Hey, salut tout le monde, ici Sébastien Bouchard au micro et bienvenue à l'épisode numéro 10 du podcast Fun Regarder Film. Et on a un beau petit trio le fun ce soir avec nous. Je sais pas si c'est un trio d'attaque, de défense ou de powerplay, mais en tout cas, c'est un trio le fun. j'ai tout d'abord avec moi Vicky Langlois. Salut Vicky! Salut! En forme? Ah, pas pire, pas pire. Pas trop frette? Ah, je suis gelée. Mais là, bon, je vais se mettre un thé 10 ans avant de commencer, ça l'aide. Bon. Après ouais. Ça, tu vas être au vin, là. Oui, rassure-nous. Ça sent okay. Bien. Ok, phew. Hey, taboué. Fais-moi pas peur, là-même. Et on a aussi Jean-François Tremblay. Salut, Jean-François. Salut. En forme? Oui, en forme. Ouais. Oui. Tu as eu tout qu'un contrat cette semaine. J'ai hâte que tu nous en parles. Les deux dernières semaines, oui. Ouais, les deux dernières semaines. Et c'est pas fini, en plus. Écoute, on t'est équipé pour que tu ne nous lâches plus. Je rembarque vers d'autres choses tout de suite cette semaine. Ouais, hein. Eh bien, puis ben salut à tout le monde sur le live. Évidemment, on est toujours live sur Facebook et sur Twitch. Toujours le fun parce que ceux qui sont live, ben ils peuvent commenter sur le show et nous suivre. Et ben c'est ça. D'ailleurs, ceux qui sont sur le live, si ça vous tente, allez-y, partagez maintenant l'épisode sur votre page perso. Question d'inviter le plus de monde possible, qu'on soit une grosse gang tripante. Alors, c'est ça, on revient aux épisodes réguliers. Ça fait du bien, une petite semaine de break, je sais pas pour vous autres, là. J'ai cherché dimanche passé quoi faire. Ouais, c'est vrai. Mais tu parles de ça fait du bien d'arrêter les films d'horreur ou... Non, ben, parce qu'on était aux semaines, on tombe aux deux semaines, ça fait. Ouais, ok. Ça fait du bien. Ouais. Tu sais, je me suis rendu avec un dimanche soir relax. Oui, oui. Ça a fait bizarre dimanche passé. Oui, en effet. Mais c'est ça a permis de retomber dans plein d'autres films. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir avec vous. Qu'est-ce que vous avez écouté? Mais tout d'abord, ben encore une fois, je veux faire le petit mot pour remercier nos patrons qui nous encouragent à tous les mois. Et sérieusement, ces temps-ci, avec tous les prix que j'ai eu à envoyer pendant les 31 jours d'horreur, inquiétez-vous pas que chaque scène qu'on reçoit des patrons a été très, très bien investie dans des enveloppes et des beaux petits timbres pour faire... j'ai compté ça, là. C'était 18 prix qu'on a fait tirer pendant les 31 jours d'horreur. Et wow. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Là. Si tout va bien, on va avoir d'autres prix. Et ben c'est ça, nos patrons que je tiens à remercier parce qu'ils ont droit à leur petit shout-out. On a Véronique avec les douces folies de Nikki. Salut Véronique, on a passé, ben, pas passé, Pascal, pardon. Patrick de VI2XP, notre photographe et cinéaste. Vous irez voir ce qu'il fait, c'est assez débile. Puis on a aussi mon collègue de travail, Kevin Hood. Merci Kevin. Ben, merci à tout le monde. Merci à tous ceux aussi qui nous encourage. Puis pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que je pourrais obtenir avec le Patreon qui est trippant, ben j'ai ajouté un nouveau stade du Patreon cette semaine ou la semaine passée. Et maintenant, bon, quand on est quand on donne certains paliers, on obtient des goodies. Et le palier de 2$ par mois, ben dès qu'on fait un concours, vous avez une entrée au concours, une participation automatique au concours. Accumulé avec les autres participations qui sont possibles. Donc, nos Patreons ben, ont un petit bonus, une petite chance de plus de gagner tous les beaux prix qu'on a. Donc, c'est une belle façon de leur dire merci. Puis sinon, ben, hey, on n'avait pas réussi à le faire les autres semaines, mais cette semaine, on a un commentaire iTunes de plus, un 5 étoiles qui nous a été envoyé par. Oh yeah. Je veux dire, StephXX3. Steph underscore XX3, en tout cas, qui dit un excellent podcast pour faire de belles découvertes de films. Ben, merci, Steph. Et si vous voulez faire comme Steph, allez sur iTunes, mettez-nous un beau 5 étoiles avec un commentaire. C'est sûr qu'on vous lit live pendant le show. Parce que c'est le genre de façon qui fait en sorte qu'on a des bons rankings dans iTunes et qu'on tombe dans les recommandations des podcasts francophones les plus cool en ville. Puis sinon, ben écoutez, continuez à parler du podcast à vos amis, continuez à porter notre linge comme le fait si bien Cynthia et ben comme toi aussi, Jeff, tu le fais aussi. Pas à soir, mais oui. mais ouais, d'habitude. Oui. J'espère que tu le portes au moins une fois par semaine. Oh que oui. Ah, parfait. Puis, ben, c'est ça. Donc, merci beaucoup tout le monde de nous encourager et de nous, même de nous envoyer juste des petits messages. Cette semaine, je me souviens plus c'est qui nous avait juste envoyé un message pour nous parler du son du dernier épisode. Puis j'étais comme, mais écoute, si quelqu'un qui prend le temps de nous parler du son du dernier épisode, c'est toujours bien parce que c'est important pour lui et que c'est ça. Il y a le goût qu'on s'améliore. Fait que, ben, merci. J'ai oublié le nom, c'est ah puis là tu vois c'est ça là, j'étais sûr j'aurais nommé là, mais c'est Stéphanie Landreville qui ben, je dis Landreville, c'est Stéphanie Landreuve, fait que je vais supposer que c'est Landreville. Il dit ça fait plaisir, donc c'est sûr que c'est elle qui nous a envoyé un 5 étoiles, fait que alors faites comme Stéphanie et allez mettre un beau petit 5 étoiles sur iTunes. Sur ce, est-ce que j'oublie quelque chose les amis? Je pense pas là. Non hein, mais ben, sinon allez voir sur notre site, on a encore deux super concours, on a Ralph Brise l'Internet qui se termine très très bientôt, puis aussi le nouveau gros film produit par Peter Jackson, Mortal Engines, qu'on fait tirer des billets, fait qu'allez voir ça. Ben, sinon ben, on commence cet épisode tout de suite, puis ben, j'ai le goût de commencer avec toi Vicky, parce que toi aussi t'as pas mal de stock. Fait que, qu'est-ce que t'as le goût de nous jaser cette semaine? Ben, moi, en fait, j'ai continué dans l'horreur. C'est pour ça que je trouvais ton affirmation. Je me demandais si tu disais que ça avait été dur de continuer les films. Parce que moi, je constate que c'est ça que j'écoute le plus. C'est bien des films d'horreur. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas arrêté. Puis, non, c'est ça. Je pense que c'est le genre qui me va le mieux. Je devais écouter des films de Disney. Puis, ça a été long avant que j'embarque. J'ai écouté genre 1,5. Là, j'ai écouté Le Roi Lion parce que j'étais obligée, puis la moitié de Moana, puis ça me tentait plus. T'sais. Fait que vraiment, je suis une fille d'horreur assumée totalement. Hey, et Moana, c'est bon. Je l'ai arrêté quand elle embarque sur le navire, là, dès le début. Ah, oh, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec les chansons de Moana. Ça faisait longtemps qu'un Disney m'avait pas fait triper avec ses chansons. Ben, tu vois, je pense que t'aimerais les chansons de Hamilton parce que c'est le même auteur. Ah, le cool. Compositeur. Ah, c'est ça, fait que pas moi. Non, c'est ça. J'en ai écouté plusieurs. J'avais The Endless, que vous avez parlé au dernier podcast, que j'ai écouté hier. Faudrait que je réécoute ce que vous aviez à dire, mais je trouvais que ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste, là, fait que j'étais due pour l'écouter. Puis, je l'ai trouvé assez complexe comme film, ni bon ni mauvais, juste complexe. Fait que ça, c'est un film que je réécouterais. Mais celui que j'ai le plus envie de parler, c'est celui que j'ai écouté hier. Quel chien fait comme vraiment un vacarme épouvantable. OK, bon. Fait que le film que j'ai écouté hier, c'est Apostle, qui est sur oui. Qui est sur Netflix. Gareth Edwards, je me souviens plus. En tout cas, Gareth Evans. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est sur Netflix présentement. Je vous le conseille vraiment. Je trouve que juste avant, on était dans le live, mais avant qu'on enregistre l'épisode, on parlait un peu du gore, puis des phénomènes gore et tout. Et je pense que en 2018 et depuis quelques années, on continue dans le gore, mais je le trouve mieux justifié qu'à une certaine époque où on savait pas comment le doser ou où l'envoyer. Moi, c'est sûr que personnellement, j'aime le clown Art de Terrifier, en tout cas, lui, là. Ouais. Je l'aime. J'ai écouté All Hallows Eve. J'ai aimé ça pareil. Donc, moi, ça me rejoint. Mm-hmm. Oui, il va y avoir du gore gratuit encore de nos jours, mais Apostle, pour revenir à ce film-là, j'ai trouvé que la violence n'était pas du tout gratuite, mais était justifié par le film. Je suis pas d'accord avec cette violence-là, mais bien justifié, bien amené. Je trouve que ce film-là, c'est de la meilleure façon de nous parler de ce qui peut arriver aujourd'hui, mais en nous parlant un peu de fantastique, un peu d'horreur. Puis c'est quoi l'histoire? Apostle, c'est un garçon qui, dès le départ, décide d'aller sauver sa sœur d'un culte. Sa sœur s'est faite kidnapper, donc quelqu'un reçoit une lettre écrite, manuscrite par la main d'une fille qui dit qu'elle a été kidnappée, qu'elle est prise sur l'île et qu'on doit venir la sauver. Et elle demande à son père de venir la sauver avec une rançon, puis que si le père paye la rançon, ils vont la laisser aller. Le père, on le voit même pas, ça a l'air qu'il est faible depuis le départ de sa fille, depuis le kidnapping de sa fille. Et on réussit à trouver le frère de la fille, là, c'est vraiment dans les 30 premières secondes du film. Et on confie la mission au frère d'aller chercher sa sœur sur l'île. Et l'île est comme suivie par un culte, un culte. Oui, deux films de culte, hein, The Endless est suivi de ça. Je les ai écoutés vraiment un à la suite de l'autre hier. Et le culte est basé sur une déesse qui ferait vivre l'île. Fait que t'as du... T'as le culte, t'as la déesse, t'as du fantastique, t'as du sang, t'as du gore, t'as de la violence, t'as suivre de façon aveugle un leader, t'as c'est quoi, qu'est-ce qui fait un leader, c'est qui un leader, c'est quoi un leader. Le film joue sur plusieurs niveaux et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Moi, je suis une fille qui aime pas tant que ça les films d'époque, souvent ça me gosse. Il y a des... Tu sais, je sais pas, je trouve qu'on est en 2018, on peut parler des choses actuelles, puis souvent, c'est des affaires qui me gossent. Tu sais, j'écoute pas Games of Thrones parce que, justement, j'ai peur que le médiéval là-dedans me gosse. La seule chose médiévale que j'ai aimée des dernières années, c'était Kaamelott, justement, parce que je trouvais que... Tu sais, Kaamelott, là, un des premiers épisodes, là, c'est la table en bois. Et là, tu sais, faut vraiment... Faut le dire, là, c'est que il faut qu'il y ait une table en pierre pour que la table ronde soit faite en pierre. Puis là, t'as juste le gars qui l'ostine tout le long, que ça serait plus léger du bois ou du cuir, que ça ferait plus propre du bois ou du cuir que de la pierre, puis que ça aurait pas... Tu sais, je trouvais que c'était tellement absurde que pour moi, c'est ça, tu sais, le médiéval, c'était ça. C'est de pointer à quel point ça peut être ridicule et absurde. Mais juste pour faire une parenthèse, c'est que dans Kaamelott, c'est parce que c'est Alexandre Astier, puis moi, je voue une admiration sans borne à Alexandre Astier. Là, c'est un gars... un intellectuel, mais qui un excellent vulgarisateur et humoriste, mais à la base, c'est un intellectuel, c'est un gars qui connaît son sujet, mais à fond, là, vraiment de long en large, puis il t'apprend des choses à travers son humour, puis c'est tout le temps quand même, malgré que c'est de l'absurde, puis c'est de l'humour, il t'apprend des trucs à travers ça, fait que, en tout cas, c'est juste, c'est pour ça que c'est bon, c'est pour ça que c'est bon, c'est parce que c'est ça respecte la mythologie de ça, tu sais, de cette époque-là. Mais ça le respecte, mais avec une conscience contemporaine. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est ça qui me gosse. T'sais, c'est un film d'époque où tout le monde a des belles dents blanches et droites. C'est des détails de même. Tu me fais penser, t'sais, j'ai pas vu le film, mais il y a une bande-annonce que j'ai vue en début d'année ou l'année passée. C'était le nouveau film de Robin des Bois, je pense. Ouais, il y en a un autre. Christ, que c'était mauvais comme bande-annonce. Là. T'sais, c'était Robin des Bois, mais quasiment hipster. C'était comme ouais. C'est ridicule. Là. Puis Robin des Bois avec le gars de Gladiateur, là, j'ai un blanc là, de son nom, mais bref. Ouais, tu sais, ça n'est un film. Ça sert à rien, c'est ridicule ces films-là. Le nombre de films sur le roi Arthur aussi qui sortent au cinéma, ça sert à rien, c'est pas intéressant. Je parle pour moi, là. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je trouve que on rend les gens aujourd'hui plus sales, plus crasses, mais l'histoire est pas plus vraie. Tu sais, elle est pas mieux suivie. Fait qu'un film comme Apostle, pour en venir au film, c'est que ça ramène du fantastique. Puis moi, le fait que ça dose avec du fantastique, ça me permet de dire, OK, ils veulent pas que je croie à cette histoire-là à 100%. Ils veulent juste me donner une bonne histoire qui va peut-être me parler de ce qui se passe aujourd'hui. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que le fantastique vient me permettre de me dire, je suis pas obligée de croire de A à Z, puis de... Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui les attaque en disant... Parce que le cult dérange... le film, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Le cult dérange la Grande-Bretagne parce qu'ils ne suivent plus une religion. Tu sais, ils suivent plus la religion protestante ou la religion, une religion chrétienne parce que le culte sur l'île voue à la déesse. Mais c'est très religieux, c'est très chrétien, c'est très dans notre conception, ils sont dans les églises et tout, donc c'est notre conception, c'est simplement que il y a une déesse et ça n'est pas, elle ne prend pas la place de Dieu, la déesse, c'est simplement que c'est elle qu'il faut servir. Mais selon la foi catholique, entre autres, et même la foi protestante, tu n'en auras pas un autre Dieu. Et le roi, tu sais, ça c'est toutes des affaires que tu sais, là, faut que tu saches pour voir ce lien-là. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une attaque de quelqu'un espion dans le film, puis qui fait juste dire comme tu trahis ton roi et ton pays. Mais il nomme pas le roi. Tu sais, c'est là que je voulais en venir, c'est que ça l'essaye pas de s'ancrer dans une réalité. C'est pas du Shakespeare où on nous parle de roi vécu ou de période vécue. C'est simplement dire, ben, ce culte-là dérange le roi parce que vous suivez pas les fondements de notre loi des hommes. Mais c'est tout ce qu'il essaie de dire. Fait que moi, ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est de dire que des gens dérangent juste parce qu'ils essaient de créer leur communauté aussi extérieure au monde. Fait que, puis il y a de la violence et du gore. Fait que moi, je pense que ça s'adresse aussi à nos fans qui nous écoutent, qui aiment l'horreur. Ouais. Ceux qui n'aiment pas l'horreur, le film peut être vraiment intéressant pour son aspect fantastique. Ceci dit, il y a des scènes assez violentes et des scènes de torture vraiment difficiles à tolérer. Donc, peut-être faire attention là, si vous avez le cœur un peu sensible. Ok, cool. C'est très drôle parce que sur le chat, il y a Steven qui fait « Attention avec les spoilers, Vicky! » Puis il call « Arrête, Vicky! » Fait que je sais pas si ça vaut les spoilers. Mais écoute. Puis il y a Marc-Antoine Labonté qui dit « The night is dark and full of spoilers. » Mais je vois pas ça vaut les spoilers. Je sais pas non plus. J'ai pas vu le film. Je veux pas te dire ça. Mais c'est très drôle. Puis moi, c'est... Hey, 15 personnes sur le live, c'est débile. Salut à tout le monde qui sont en train de nous joindre. Jeff, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, je voulais juste dire, quand t'as commencé à parler du film, moi, j'ai aucune idée de quel film à parler, fait que j'étais comme, t'as dit Apostle, t'as dit le titre, mais j'ai compris Apple Store, j'étais comme... c'est quoi ce film-là, un magasin de pommes ou un film sur la compagnie Apple? Apple Store. Ah, wow! C'est très drôle. Moi, c'est ça, puis c'est disponible sur Netflix. Ouais. Fait que, ouais. Non, mais il est sur ma liste. J'ai bien hâte de l'écouter très, très bientôt. Ça vaut la peine pour vrai. Ouais. C'est juste que je filais pas gore ces temps-ci, alors je n'y suis pas allé. Plus que du gore, il y a plus qu'un clown qui essaie de tuer des filles. Tu es vraiment ailleurs. Tu es très, très dans ta tête avec ce film. Ouais. C'est incroyable. Mais c'est ça, c'est... Mais c'est parce que ce film-là, il est bourré de détails. Tu sais, on disait tout le temps la série HHH, regardez tout, vous allez manquer des choses. Mais c'est pas ça. C'est, tu sais, il y a une scène où tu vois pas le personnage du tout, tu vois juste des mains, puis les mains tremblent. Puis tu dis, OK, cette personne-là est pas d'accord avec ce qui se passe, mais elle peut rien dire. Mais tu le vois par les mains qui tremblent en tenant quelque chose, tu sais. Fait que tu peux pas... Elle aura pas de négation par rapport à l'événement qui vient de se passer, mais le fait... qu'elle passe un objet avec les mains qui tremblent, je trouve que ça parle. T'as besoin de le dire, ça parle. Puis moi, j'ai aimé ça. Et j'ai trouvé que, oui, ce film-là va dans les détails. J'ai bien hâte de l'écouter. Et, ben, écoute, moi, je vais bouncer sur ton gore, Vicky, pour vous parler de l'histoire de Jean-Christophe, non, c'est tellement... c'est aucunement gore. Mais non, c'est ça, c'est de ça que je vais vous parler. Christopher Robin, l'histoire de Jean-Christophe, le nouveau film de Disney qui était disponible à partir de cette semaine, qui pour que ceux qui connaissent Winnie the Pooh, ça va être en terrain connu. Je sais pas que je suis pas un fan de Winnie the Pooh, mais... J'écoutais pas ça quand j'étais jeune, pas plus qu'il faut. Je connais les personnages, je connais un peu le tempérament, mais Winnie the Pooh, c'était très, très... pas sérieux, mais c'était un petit peu down, hein. On n'était pas d'un Rémi sans famille ou d'un Desmétan, mais tu sais, t'as quand même Winnie que lui était quand même tout le temps un peu dans sa réflexion, puis tout ça, puis t'avais Porcinet qui était toujours en train d'avoir peur... T'avais Bourriquet qui était toujours en train de déprimer. On aurait dit qu'il voulait tout le temps mourir. Puis, tu sais, fait que moi, j'étais comme, j'ai pas le goût d'écouter ça. Mais quand j'avais vu la bande-annonce de Christopher Robin, j'ai fait, mais ils sont bien mignons. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de Christopher Robin. Ouais, mais c'est l'histoire de Christopher Robin, Jean-Christophe, qui était toujours avec la gang de Winnie, qui rentrait dans le... je sais pas comment ils l'appellent en français. En anglais, c'est le 100 Acre Woods. Les 100 Acre Woods. Puis, c'est lui qui faisait comme vivre les aventures avec eux autres. Puis, Jean-Christophe est devenu adulte. A oublié Winnie, tout ça. Pense que c'était plus des produits de son imagination. Et là, ben, ils vont revenir pour le sauver, si on veut. Et, on dirait qu'ils ont comme voulu donner le look de Winnie l'ourson et toute la gang comme des toutous vraiment fluffy. Je vais essayer de les montrer à la caméra, là. Mais ils ont vraiment l'air fluffy cute. Puis tout le long du film, tout ce que tu fais, c'est comme, je veux les coller, je veux toutes les prendre dans mes bras. Tu sais, il y a une petite fille qui en a genre 4 dans les bras, puis t'es comme, la chanceuse. Mais c'est ça, écoutez, c'est ce film-là, c'est Captain Crochet, Hook, mais dans l'univers de Winnie Wilson. Vous rappelez de Hook? Oui, Robin Williams. Ça me faisait penser à ça un peu, le concept, l'histoire de tu sais, j'ai sans avoir rien lu là-dessus, mais ça, l'idée même d'avoir ce personnage-là, tu sais, je pense plus vieux, là, si c'est ça l'histoire, ouais. Là, mais c'est un, ouais. Ça fait penser un peu à ça, c'est, là, au fond. C'est exactement ça, là, tu sais, Jean-Christophe a perdu son cœur d'enfant, il est rendu qu'il travaille pour des compagnies hyper, qui traite les employés un peu comme de la merde. Là, il doit mettre à pied des gens, tout ça. Puis c'est le cliché. Tu écoutes ce film-là, puis tout le long, tu sais exactement où ça va s'en aller. Tu connais les péripéties par cœur. Tu sais, la formule est là. C'est la formule Disney, tout ça. Mais j'ai vraiment ri pendant ce film-là. Je me suis vraiment amusé. Les punches de Winnie sont drôles. Winnie est le fun. Bourriquet, dès qu'en lâche une, tu ris. On a eu les larmes aux yeux à certains moments. Mais tu sais, c'est ça, c'est gros. C'est très, très gros. Le message est hyper gros. Là, Jean-Christophe s'occupe pas bien de sa fille et tout ça. Puis là, ben, tu sais, il va finir par réaliser que sa fille est plus importante que sa job et blablabla. Je vous spoil de rien. Ouais, pareil comme Captain Crochet. Tu sais, tout est là, là. C'est le Captain Crochet de 2018. Ça bat pas Captain Crochet. Je pourrais pas dire. Est-ce que c'est parce que Captain Crochet, on l'a vu quand t'es jeune. Ouais, il y a peut-être la nostalgie. La nostalgie. Mais c'est un bon film dans ce style-là. Moi, j'ai vraiment eu du fun. J'ai souri tout le long. J'ai eu le goût d'écouter toutes les making-of après, juste pour voir comment ils avaient fait les marionnettes, puis tu sais, puis tout ça. Évidemment, c'est du CGI. T'as pas le choix, là. Son CGI à fond. Mais, et qu'ils sont beaux, puis tu y crois. Puis ben, dans certaines scènes, ils ont utilisé des vrais toutous. Ils les ont mis là, puis ils les ont animés par la suite, tu sais. Fait qu'Ewan McGregor, quand il regarde des toutous, des fois, il regarde des vrais, tu sais. Fait que le résultat est vraiment crédible. Ewan McGregor est bon, mais c'est comme tu sais, son personnage a une drôle d'arc de développement de personnage, tu sais, là. Il va passer vraiment du pire qui est frigide et tout ça. C'est comme difficile à suivre. Ça arrive un peu comme par magie, un peu comme dans Hook, tu sais. Il y a même une scène là-dedans que j'ai faite comme, ah, oh, mon Dieu, il y a une scène clé dans Christopher Robin qui semble à une scène clé dans Hook. Puis là, tu fais comme, eh boy, la recette, c'est débile. Mais c'est correct, ça marche, c'est une recette qu'on aime, puis on a vraiment beaucoup de plaisir. Fait que, ben, boudez pas votre fun. Si vous voulez en plus écouter de quoi de relax, étant les fêtes s'en vient avec la famille, puis tout ça, là. Puis vous avez vu les Incroyables 2, ben, allez-y. Ah non, mais malgré, non, c'est ça. C'était le commentaire négatif que j'avais par rapport à ce film-là. C'est trop sérieux pour être un film pour enfants. C'est vraiment donnant. Fait que c'est le même commentaire que t'as pour les vieux comiques pour le film. Ouais. Tu sais, surtout si les enfants connaissent pas Winnie the Pooh, là, tu sais, oubliez ça, là, mais, Le début, on était comme, moi, si je suis au cinéma, ben, à la TV, devant, avec ça, avec un enfant, là, après 10 minutes, il vient me dire, papa, peux-tu aller jouer à quelque chose, tu sais, puis tu sais, c'est un peu trop cliché pour que l'adulte embarque vraiment, fait que, tu sais, c'est pour les grandes personnes, mais c'est pour les adultes, nostalgiques un peu d'une certaine époque, tu sais, c'est très mal ciblé. Ça va être le commentaire négatif que j'ai par rapport à ce film-là. Mais quand même, j'ai eu du plaisir. Ils sont tellement cute qu'ils nous feraient pardonner n'importe quoi. Ben c'est ça. Puis je ne m'attarderai pas le plus là-dessus parce que je sais qu'il y en a un qui a beaucoup de choses à s'attarder. J'étais pas sûr si vous vouliez en passer 2-3 des films chacun. Puis, Ah, ben, non, je me suis dit go. je laisserai pas Jeff dans son coin. On ne laisse pas Jeff dans son coin. Bon, ben, j'ai eu le mandat pour Fun Regarder Film de critiquer un coffret DVD qu'on a reçu. Et voilà. j'ai reçu, je le mets à caméra, Charmed, la saison 1. Oui, de Paramount, c'est Paramount qui nous a donné ça. Et c'est la saison 1, donc pas le reboot qui vient de commencer, mais là, c'est la série originale, 1998. C'est une série que... Oh, OK. C'est une série... Ben non, mais c'est ça. Ben vas-y, dis-moi. Qui a écouté Charmed à l'époque? J'ai écouté la première, peut-être les deux premières saisons, gros max, à 98, fait que... Moi, je les avais pas vus. T'en avais 5 ans. Ouais, Vicky, t'avais quand? Non, mais quand ils sont arrivés en français, fait que probablement qu'ils seront rendus en 2001. Ouais, c'est ça. 13-14 ans, là. Je les avais pas écoutés à l'époque, puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais commencé la première saison, puis j'avais arrêté après un ou deux épisodes, mais pas par manque nécessairement d'intérêt, plus parce que c'était long, c'est comme 8 saisons, puis c'était peut-être un petit peu trop soft à mon goût. Là, je me suis dit, je vais l'écouter au complet, je vais voir de quoi vraiment ça a l'air, là. Fait qu'en gros, Charmed, pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire de trois sœurs, qui apprennent au début de la série qu'ils sont des sorcières. Ça vient de leur mère et de leur grand-mère. Leur grand-mère vient juste de mourir, puis... leur mère est morte depuis très longtemps, mais leur grand-mère vient juste de mourir, puis à sa mort, puis ils ont des pouvoirs. C'est des sorcières, ils viennent d'une longue lignée de sorcières, et ils vivent tous les trois ensemble. Et tout au long de la première saison, ils doivent dealer avec les nouveaux pouvoirs, avec le fait de devoir garder des emplois ou une vie sociale ou une vie amoureuse avec ces pouvoirs-là, puis en cachette, il faut pas qu'il les dévoile, tu sais. Puis, c'est ça, c'est ça, ben ça met en vedette Shannon Doherty, Alyssa Milano, puis Holly Mary Combs. Écoute, c'est quand même, c'était quand même des hot, là, à l'époque, là. Oui, ben oui, Shannon Doherty, elle venait, arrivait de Beverly Hills, là. C'est pour ça que j'ai à l'époque, mais là, tu regardes, je vais laisser Jeff critiquer, mais tu sais, des fois, tu zappes pis tu pognes des vieux épisodes pis ils sont même pas si vieux que ça pis ça a l'air quand même un peu, tu sais, l'espèce de fini glacé sur un écran, là. Regarde-toi, il y a trop de... Ben, en tout cas, tu nous parleras du fini glacé, là, parce que je sais que c'est en super remixé. Exactement. Numérique, c'est quoi que tu marquais? C'était en haute définition éclatante. Éclatante. Éclatante, c'est ça, ouais. C'est le terme. Parce que j'ai mon autre coffret là, que je vais parler tantôt, que le prochain, là, mais je ne l'ai pas encore écouté, mais il n'est même pas encore ouvert, c'est marqué dessus. C'était marqué la même chose sur Charm, haute diffusion éclatante. mais ok, ben, je ne veux pas m'éterniser trop là-dessus, mais côté technique, c'est vraiment fucking beau. L'image, là, c'est comme si ça avait été tourné hier. Sérieux, là, c'est vraiment, vraiment beau. À part les establishing shots. Ça, je comprends pas pourquoi, mais c'est probablement juste du stock footage. Mais toutes les shots qu'on voit de la ville, ben, ça se passe à San Francisco. Fait que tous les shots du Golden Gate, les shots d'Alcatraz, les shots de toutes les shots qui établissent les lieux, la maison, tout ça, c'est lettre, c'est flou. Peut-être pas la maison, mais la maison où ils habitent, ça, c'est des choses tournées pour la série. Mais je parle tout le reste de la ville, là, c'est... puis des tramways qu'on voit, puis tout. C'est tout du... Comme tu dis, ouais. C'est du stock footage, probablement. Qui ont pas eu les droits pour remasteriser, tu sais. Sinon, c'est crissement beau. Il y a 5 disques, il y a tous les épisodes, il y a pas de bonus. Mais pour les fans, c'est peut-être malheureux, il y a pas de bonus, il y a pas d'entrevue, rien. Il y a la piste sonore en anglais, la piste sonore en français. Moi, j'ai écouté 30 secondes de la piste sonore en français, j'ai fait... Je sais pas si vous avez déjà vu la juste un petit croche pour en parler, mais la web-série L'âge adulte de Guillaume Lambert, mais il y a un personnage là-dedans, son expression, c'est quand elle aime pas quelque chose, c'est « arc non ». Puis je fais souvent ça avec ma blonde, « arc non ». Ah, j'ai jamais remarqué. C'est sa sœur. C'est sa sœur. C'est sa sœur. C'est Sarah Jeanne, je pense. Elle fait « arc non ». Et moi et ma blonde, on adore ça. T'sais. Puis quand j'ai entendu la version française de Charm, j'ai fait 30 secondes, j'ai fait « arc non ». C'est dégueulasse. Ah, écoute, les versions françaises de l'époque. Mais tu sais, je comprendrais que quelqu'un serait nostalgique de ça, qui aurait grandi avec la version française. Ouais. Bon, c'est correct. C'est super. C'est vraiment le fun qu'elle soit dessus. C'est pas toutes les séries qui ont nécessairement les versions françaises. Mais c'est ça, tu sais. Côté technique, moi, j'ai vraiment adoré ça. C'est super beau sur ma grosse TV. Puis tout, c'était vraiment très nice. Puis, ben, je dois avouer que je suis un peu. Tu sais, c'est ma jeunesse, 1998. J'avais 21 ans. C'est ma début de ma vingtaine. Puis j'aime beaucoup les séries des années 90, début 2000. Genre, tu sais. J'avais pas écouté celle-là parce que je trouvais que c'était trop, ça faisait trop léger, trop soft, mais j'ai été un gros, gros fan de Buffy qui startait à la même époque. J'ai été un gros fan, tu sais, d'Ally McBeal ou de plus tard, mettons, Gilmore Girls. Puis on n'est pas loin de ça dans le ton parfois, tu sais. Il y a des démons, des monstres, on peut penser à Buffy un peu. Il y a le côté familial, j'allais dire, pas fraternel, mais je cherche le mot, mais en tout cas pour les sœurs, il y a un petit côté, tu sais, girly de Gilmore Girls. Il y a des trucs que je retrouve là-dedans que j'aime dans d'autres séries, puis j'ai trouvé ça le fun. Moi, j'ai juste du positif à dire de ça, en fait. J'ai hâte d'entendre plus Vicky, mais j'ai aimé la première saison, mais c'est plus des grosses pantoufles confortables. T'sais, après deux, trois épisodes, là, j'étais embarqué j'étais embarqué dans la vie de ces filles-là, puis j'étais comme, ben, j'étais intéressé de savoir où ça s'en va. Puis là, ben, à chaque soir, j'écoutais ça, là, ma blonde allait se coucher, puis là, je m'installais sur le divan, je me couchais, t'sais, c'est le divan qui se recule un peu. Je m'installais, t'sais, avec, ben confortablement, puis je regardais ça, puis c'est comme un gros chocolat chaud, des pantoufles, t'sais, c'est douillet comme émission. Puis les monstres, les ça te démons. Challenge pas, là. Non, non, non, non, vraiment pas. T'écoutes ça, puis c'est chill. Les monstres, les démons, tout ça, c'est les sorciers qu'on voit, c'est très, très soft. On n'est pas dans Buffy non plus. Les effets spéciaux, c'est plusieurs coches en dessous de Buffy à l'époque. Puis déjà, Buffy, je pense que de nos jours, ça aurait l'air poche, là. Mais c'était quand même pas pire pour l'époque. Mais là, les effets spéciaux, c'est poche là-dedans. C'est du morphing de face qui marche pas, des trucs comme ça. Tu sais, c'est vraiment. Ah oh, oui, les bons vieux morphing de face, ça, c'est débile. C'est poche, là. Puis les démons, puis les sorciers, tout ça, sont tout le temps défaits de manière vraiment trop facile. Trop poche, des fois illogique. Et ça m'a été une couple de fois que ma blonde elle travaillait, j'écoutais ça, mettons, après souper, ma blonde travaille dans ses affaires. Puis je suis là, puis je regarde la télé, j'ai mes écouteurs, puis tout. What the fuck? C'est comme, ils viennent de détruire le démon, puis c'est comme, mais ça fait aucun sens, puis il explose. C'est comme, ils ont fait une incantation, bang, il explose. Comme, mais c'est quoi ce combat de marde-là? C'est quoi ça? Il y a tout le temps, c'est tout le temps trop facile. En tout cas, même la finale, même le dernier épisode, la manière qu'ils détruisent le Big Bad, c'est comme, mais c'est bien trop facile. N'empêche que j'ai beaucoup aimé les trois actrices ensemble, les trois personnages. Je trouve que ils ont trouvé vraiment trois actrices qui ont une chimie très forte. T'as l'impression que ces trois sœurs, ils font des faces, des fois, des petits trucs qui sont pas nécessairement dans le scénario, juste ils se regardent des yeux, des petites moues de bouche, des trucs que tu fais, ah, ils ont vraiment l'air à des sœurs qui s'agacent avec le visage, des fois, des trucs. Puis sur YouTube, tu peux voir le pilote original tourné avec une autre actrice, c'était à la place d'Alyssa Milano, puis c'est comme, non, la chimie est pas là pantoute. Mais c'est sûr que peut-être qu'à longue, ça aurait fonctionné, mais tu fais non, ça marche pas. Puis avec Alyssa Milano, elle a quelque chose de spécial qu'elle ajoute. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé les trois actrices. Je suis tombé un peu sous le charme de ces trois personnages-là. Puis j'ai. Honnêtement, si la compagnie nous envoyait d'autres coffrets à critiquer, moi j'étais comme, je veux voir le C'est bon, reste, là. Je suis c'est vraiment bon. intéressé de voir le reste parce que j'ai eu du fun. Puis ça m'a plongé à cette époque-là, comme je disais, c'est ma jeunesse. Tout le long de la série, t'as des tunes, tu sais, de Jewel, Sarah McLachlan, les Cranberries, tout ça. Fait, puis t'as les vraies tunes sur le coffret, c'est pas des versions qu'ils ont remplacées parce qu'ils ont pas les droits. Ils ont les droits. Fait que moi, j'ai ressorti mes CD de Jewel, j'ai ça. Tu sais, c'est toute la semaine, depuis 2 semaines, j'écoute de Jewel parce que c'est ma chanteuse, chanteuse préférée, mais ça faisait longtemps que je n'ai pas écouté. Fait que je suis comme plongé un peu dans la musique de cette époque-là. Puis ça m'a rendu un peu nostalgie, là. Fait que nostalgique, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup apprécié. Puis je vais finir juste vite, vite, vite en disant, j'ai regardé les deux premiers épisodes du reboot qui a commencé cet automne. C'est différent. On reconnaît tous les éléments de la patente, mais ça a été rebrassé un peu. Ils ont rebrassé les cartes. Fait que au début, ça commence avec deux sœurs. Ils savent pas qu'il y en a une troisième. Il y a une troisième qui arrive dans le portrait. T'sais. Puis en tout cas, les éléments sont pas mal tous là, sauf qu'ils. Comme il y a un personnage dans la série originale qui est joué par Brian Krause, on a parlé l'autre fois du film Sleepwalkers de Mick Garris. Brian Krause était l'acteur principal de ça. Il y a un personnage joué par lui, mais son personnage à lui, au début, il est introduit dans Charm de 1998, genre au troisième épisode, puis on le voit genre 30 secondes à la fin de l'épisode. C'est un handyman, c'est un homme à tout faire dans la maison. Puis on dit pas vraiment c'est qui, on dit pas, tu fais juste, hey, salut Léo, salut. Il passe, puis c'est comme, ok, c'est Brian Krause. OK. Puis on la revoit genre 5 épisodes plus tard, puis on commence à apprendre un peu c'est qui ce gars-là, puis finalement c'est un gardien pour les sorcières, tout ça, c'est un gars qui a des pouvoirs. Mais dans la nouvelle, dans le reboot, ce personnage-là, qui porte pas le même nom, mais qui occupe la même fonction, et tout de suite, il explique tout de suite aux sorcières qui il est, qu'est-ce qu'il fait, si, pourquoi les sorcières ont le pouvoir, etc., etc. T'sais, il est comme, on change la dynamique. Là. Le personnage agit plus comme un Giles dans Buffy, en fait. Plus comme ouais, un... ça, j'allais... Ouais, il est vrai. Puis en plus, ils ont été chercher un British dans le reboot, fait qu'il t'as vraiment l'impression du Giles, là, t'sais. Un petit comique, là, t'sais, British comique, un petit peu trop... nerd un peu, tu sais, un peu à la Jal, justement. Fait que t'as ça, puis t'as... Ben, les effets spéciaux sont meilleurs, c'est le gros point principal du reboot, les effets spéciaux sont meilleurs. Mais le ton est semblable. Ah, la chose qui m'a gossé le plus aussi, après 5 minutes, ça me gossait déjà, c'est... Puis pourtant, je suis un gars qui se considère féministe, mais c'est crissement trop... SGW, c'est rare que je vais dire ça, mais ouais. Christy, c'est un show pour l'ère Me Too, là, mais on en met tellement trop que ça alourdit le scénario. Puis, tu sais, je trouve que c'est... Reboot, là. Oui, le reboot. Puis c'est vraiment... je trouve qu'il faut en parler, il faut parler de tout ça, il faut dénoncer tous les abus et tout ça, mais là, c'est extrême. Là. C'est 2 épisodes, là, mais je trouvais que dans le premier, c'était vraiment extrême. Le deuxième, c'était peut-être un petit peu moins pire, mais c'était... On est vraiment trop là-dedans. T'sais. Puis on est beaucoup dans les textos et tout ça, les textos à l'écran. T'sais, c'est une série beaucoup de son époque. Puis mais je pense que ça peut plaire à du monde. Puis je pense que ça a de l'allure. Puis je vais peut-être continuer aussi. Gars, je suis dans le charme. Là, fait que j'ai envie de continuer. Je suis embarqué là. Fait que, non, en gros, c'est ça. J'ai beaucoup aimé le croffet qu'on nous a offert. Puis je remercie. C'est quoi, Paramount, t'as dit? Paramount. Vraiment, puis c'est un beau petit objet, puis la qualité est vraiment au rendez-vous, puis ben, j'ai hâte de voir s'ils vont faire tous les autres, fait que je serais curieux de voir le reste, là. Ben, écoute, j'ai bien hâte de voir aussi, là. Moi, quand je reçois des courriels, on fait des demandes. Ouais. Et ben, juste avant que tu nous présentes, c'est quoi le prochain coffret, Vicky, toi, t'as-tu des bons souvenirs de Charm? T'as-tu été charmé par Charm? Pas du tout. Moi, pour moi, Charm, c'est un rip-off mauvais de Buffy. T'as Buffy, Angel pis Charm qui est en dessous de tout ça. Même la première saison d'Angel est assez dégueulasse, mais après ça, ça se place. Oui, ben, il se cherchait. Ouais. Mais j'avais aimé ça. Mais oui, je suis d'accord que c'est en dessous, là. Comme je te dis, c'est du gros chocolat chaud, là, Charm. Ah oui, c'est ça, le Charm, là, c'est de la guimauve. Oui. Mm. Tu sais, c'est du Monster of the Day, mais le Monster, il est pas marquant, comme tu dis. T'sais, non. Angel, ce qui est intéressant, c'est que t'as des monstres qui sont vraiment marquants. T'as des trucs qui vont suivre durant la série, encore plus avec Buffy. Ben, je viens de les écouter et puis je me souviens pas de la moitié des monstres que je viens d'écouter. Là. C'est ça, exactement. Alors que Buffy, tu te souviens de beaucoup de monstres. Pas juste ceux de la saison, mais même les petits qui rentrent. Puis... Bref, non, j'ai toujours trouvé que c'est une pâle copie de Buffy à plein de niveaux. C'est une facture visuelle que j'aimais pas à l'époque aussi. C'est un peu... une facture visuelle sirupeuse, très chaleureux, là, très... C'est ça, puis que c'est pas une facture que j'aimais. La maison, qui est très chaleureuse, devient un autre personnage dans la série, puis c'est ça, c'est... on passe beaucoup de temps entre les murs de cette maison-là, tu passes beaucoup de temps avec les trois sœurs, avec les petites histoires d'amour et tout ça, là, c'est très, très léger. Je suis quand même surprise que tu dises que t'aimes la chimie entre les trois filles, parce que tu sais un peu qu'est-ce qui s'est passé, ou quoi? Oui, un petit peu, ouais, vaguement, oui. Je sais que Shannon s'en va après la troisième saison, là. Puis tu personnage. Shannon s'en va après la troisième saison parce que Alyssa Milano était plus capable. Okay. Puis Shannon et Dorothy étaient détestables sur le plateau. Puis là, Alyssa dit c'est elle ou moi. Mais puis, je pense que Shannon et Dorothy, ça a tout le temps été son problème. Anyway, sur toutes les ouais. Ouais, elle avait pas la réputation, ben. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, bref, c'est le fun que tu me dises que la chimie embarque alors que, tu sais, selon Myth, il y en avait pas. Donc, moi, je me souviens pas de ça direct. Mais tu sais, je trouve que c'est représentatif si, après 3 saisons, tu peux tuer un de tes personnages principaux pour le remplacer, puis que ça fonctionne pareil, c'est quand même représentatif de la qualité, je trouve, quand même. Ouais, puis tu sais, ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils cherchent beaucoup. Tu vois que tout au long de la saison, ils ont quand même des trucs en place, comme le personnage de Léo, je disais tantôt, il l'a introduit à un moment donné, puis tu vois que lui était pas mal placé, mais il y a des trucs comme les pouvoirs. Au début, je croyais que c'était un peu... il y a des trucs qui se faisaient, qui arrivaient un peu random. J'étais comme, OK, je pense qu'ils écrivent ça au fur et à mesure sans trop savoir c'est quoi les... qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le pouvoir, là, tu sais. À un moment donné, ça se place, là, mais au début, c'est comme... OK, je pense que c'est pas clair, les règles, encore, là, tu sais, dans leur affaire, là. C'est ça, mais tu sais, mettons là, que tu pognes une liste style BuzzFeed là, de 10 morts marquantes dans les séries, tu vas voir Tara, mais t'auras pas la sœur de Charm, alors que ça serait un personnage. tu comprends, Tara oui. qui a marqué beaucoup, puis ça, pas tant. Puis, pour moi, c'est ça, c'est que c'est une série qui peut être, qui peut plaire, mais qui sera pas marquante. Il y en a plein comme ça, des séries que j'ai écoutées, puis je me souviens vaguement, puis je l'ai fini pour dire que je l'ai fini, mais je sais pas. Celle-là, mais... après deux saisons, je crois que ça tourne en rond, puis c'était hyper intéressant, là. Je pense que ça m'a plu, parce que c'est... Je sais pas, j'avais besoin de ça, des fois, en fin de soirée, de quelque chose de léger qui me faisait pas réfléchir, puis ça dure juste 40 minutes, puis c'est comme... On n'est pas dans une série trop complexe, tu sais, de HBO à 10 épisodes d'une heure. Non, tu sais, c'est... On est quelque chose... Ben, c'est plus long, c'est 22 épisodes, mais n'empêche que c'est 22 épisodes, tu sais, quand même très relax, là. Puis c'est funny, tu sais, c'est drôle, tu sais, c'est ça, c'est... J'ai réussi à... J'étais fier de moi, fier, puis en même temps, je trouvais ça poche un peu de la série, mais j'ai prédit un... ce qu'il allait arriver à un personnage à la fin de la saison. J'ai dit, ce personnage-là, je dis pas si c'est un lui ou un elle, mais... il verra pas la fin de la saison, ça, je suis pas mal certain. Puis j'ai comme fait, ah tiens, c'est arrivé. J'ai vu le pattern au long de la saison, je suis comme, ils peuvent plus rien faire avec lui, je pense, à la fin. Là, comme, je pense que lui ou elle va crever. Là, il part. Ah, c'est bon. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est ce genre de truc qui réserve pas énormément de surprises. Ah non, vraiment pas. Si tu t'attaches au personnage, ok, tu peux le suivre, mais sinon, c'est parce que c'est le genre de truc que tu vas t'en foutre, dans le sens où je l'arrêtais, puis je me souviens pas où, puis je le reprendrais pas, tu sais, des affaires, tu dis « Ah non, je veux le reprendre, je veux suivre ça », pas vraiment. Non, je comprends très bien. Ouais, puis, le destin de ces filles-là m'intéresse peu, là. Pour ceux que ça intéresse, il y a... c'est quoi le nom de l'acteur? Parce qu'il y a un épisode avec Danielle Harris, comme actrice invitée, celle qui joue dans une couple d'Halloween. L'autre, merde, j'ai oublié son nom. En tout cas, John Cho. Il était jeune là-dedans, puis j'ai trouvé poche dans l'épisode, mais en tout cas, c'était juste pour dire que c'est un acteur invité. Il y a eu David Carradine aussi dans un épisode. En tout cas, il y a eu quelques gros noms comme ça. Puis il y a eu deux épisodes, genre, que j'ai eu un petit peu la larme à l'œil, là, mais c'était, comme je te dis, c'est la grosse guimauve quétaine, mais j'ai eu un petit peu la larme à l'œil. Une histoire père-fils à un moment donné qui m'a comme vraiment touché, là, puis... une histoire avec la mère des filles aussi. Un épisode qui s'appelle That 70s Episode. Les titres d'épisodes reprennent beaucoup des titres de films ou de séries. C'est From Fear to Eternity ou That 70s Episode. Ou, Secrets and Guys ou Secrets and Lies. En tout cas. OK. Puis, prochaine série que tu vas écouter pour nous, Jeff? Oui, elle n'est pas encore déballée, mais là, je suis, en ayant vu la qualité de cette série de 98, la qualité visuelle, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec... MacGyver. Encore là, le Photoshop sur la pochette. Oui, oui. Puis MacGyver, il y a eu un reboot aussi, mais ça c'est l'original. C'est une série des années 80, fait que là je m'attends pas à ce que ce soit. Ah, c'est ça. Charmed, je l'ai pas dit, mais Charmed, c'est filmé. Ça a été filmé en widescreen. Ça m'a surpris. Ouais. Ça m'a vraiment surpris qu'une série de cette époque-là, surtout de la stature de Charmed qui était comme, c'est rien Charmed là, c'est pas. Tu sais, X-Files, je peux comprendre. Quand ils sont ressortis en HD, c'est comme, OK, ça a été tourné dès le départ, quasiment à tourner en widescreen, mais là, c'est comme, Charm, sérieux, ils ont pris l'effort de tourner ça. Mais MacGyver, c'est sûr que ça n'a pas été tourné en widescreen, là, c'est pour c'est la télé de 85, je pense, là, fait que mais je suis curieux de voir la qualité d'image, puis là, je m'attends vraiment à ce soit genre, un peu comme le vagabond, là, le chien qui se promenait d'une place à l'autre puis qui sauvait des gens. Je m'attends à ce que MacGyver, il sauve des gens en détresse. Je pense pas qu'il y ait une histoire de... Ben, je sais pas s'il y a des personnages secondaires. J'imagine que oui, là. J'imagine que c'est pas juste lui qui se promène d'une ville à l'autre. Je sais pas. Hey, merci à Clown, merci à Clown sur Twitch qui vient nous hoster avec 13 viewers. Bienvenue à Fun Regarder Films. On parle de films et là, Jeff est en train de nous parler de Charmed et de MacGyver, dont il va faire l'écoute prochainement. Puis, comme là, disait Vicky dans le chat, elle dit c'est très silencieux dans le chat. Je parlais de Charmed. Oui. Mais ben écoute, c'est ça, c'est Charmed. Mais puis ben là, écoute, tu vas nous faire des séries à fond. Oui, il y en a d'autres. Ça n'a pas de sens parce que là, non seulement il y a Paramount qui va t'envoyer encore d'autres séries que j'ai oubliées. Je pense que tu vas avoir. C'est pas le truc sur l'Amérique là, avec le président. Le truc sur l'Amérique, notre Our Cartoon President, quelque chose comme ça. Là, Our Cartoon President, puis le truc avec Sacha Baron Cohen. C'est ça, c'est un autre. Oui. Ah, ça a l'air bon, le ça. truc, je sais plus trop comment il s'appelle. Puis là, ben là, on a notre partenariat avec HBO, puis tu vas recevoir ta première série Ouais. de HBO. Je sais pas quand, mais écoute. Ah, pour quelqu'un qui manque de temps, c'est comme, il faut que Ben, écoute. Ah non, mais c'est fun, là. Écoute, partenariat avec HBO, puis ben c'est ça, pour ceux qui ne savaient pas tantôt quand j'ai parlé de Christopher Robin, ben c'était la première livraison de Disney qui nous envoyait des DVD, donc DVD Blu-ray, c'est débile. Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, ben restez là, parce que il y aura des prix pour ceux qui nous un prix pour ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin de l'épisode. Habituellement, j'aurais pris une petite pause, mais là, juste parce qu'il y a du monde sur Twitch qui vient d'arriver, je veux comme pas partir en pause là. Je me dis, tiens, bye, merci Clown de nous avoir hosté, mais nous autres, on sac notre camp pour une petite pause. Fait que Vicky, j'avais le goût que tu nous parles de tes prochains films. Ben, en fait, je vais y aller avec une série. Oh. À peu près la seule chose qui m'a fait sortir de l'horreur dernièrement, c'est la série Horseback or Horse Jack Horseman, Horseback. Hey, moi, les noms, hein, je suis pourrie. C'est pas Horseback BoJack? Horseman. BoJack Horseman. Merci. BoJack Horseman. Hey, ça va bien, mon enfant? BoJack Horseman. Je l'ai commencé parce que je connais beaucoup de gens pour qui c'est une série culte, c'est une série qui accroche, puis que tu sais, une nouvelle saison, ils se nourrissent de ça. Je l'ai commencé, puis sincèrement, j'ai pas trippé autant que le monde autour de moi. Est-ce que j'ai trouvé ça mauvais? Non. J'ai fait à peu près la moitié de la première saison. Mais comment dire, on dirait que je l'écoute. Puis des fois, je pars, puis là, je manque des bouts d'épisodes. Je fais « Ah, oh, fuck, j'ai manqué ça, fait qu'il faut que je le recule. » Je suis pas autant accro. Est-ce que vous connaissez des gens accros à cette série-là, vous autres, autour de vous? Non, moi j'ai essayé de l'écouter puis j'ai pas accroché du tout. Je sais pas sur le chat qu'est-ce que ça Me dit, semble mais moi que j'ai j'ai. entendu... Ben, tu sais, j'ai une impression que c'est, comme tu dis, c'est une affaire culte, là. J'ai entendu dire du bien, mais j'ai pas vu, non. C'est ça. Moi, les gens autour de moi trippent vraiment sur BoJack Horseman, mais moi, je dis pas que c'est mauvais, je suis capable de l'écouter, mais comme on écoute un South Park ou un Family Guy, on va écouter deux, trois épisodes, on va trouver ça drôle, on va trouver ça le fun, mais pas assez pour vouloir continuer ou être vraiment accro. OK. Y a rien qui me rend accro, y a pas de... Est-ce que c'est les cliffhangers fin d'épisode? Est-ce que c'est parce que c'est de l'animation? Est-ce que c'est la proposition de base? Je sais pas. Mais ça me rend pas assez accro. Hey, moi, j'ai des amis qui ont clenché la dernière saison qui vient de sortir. Ils se sont fait un marathon de 48 heures non-stop. Parce que OK. pour ça, mais c'était genre en 48 heures, on se tape tous les épisodes, go, go, go. J'ai dit, mais voyons, tu sais, c'est si bon que ça. Puis je l'ai écouté et je fais, ben moi, après 4 épisodes, je me tanne. Je suis pas capable de me clencher ça. Tu sais, The Office, là, je me l'ai écouté rapidement. Là. Ça, là, The Office, je l'ai écouté pour la première fois cette année. Puis. C'était du 4, 5, 6 épisodes, puis j'étais pas capable d'arrêter. Quand j'écoutais How I Met Your Mother dans le temps, là, fallait que j'écoute en rafale, fait que je fais écouter 10 épisodes d'un coup. Ça, après 3, 4, je suis comme tannée. Rappelle-nous un peu l'histoire de cette série. Pascal Jacob, il rit de moi sur le chat, là. C'est Ouais, Horseman House on the Haunted Hill. En fait, la série BoJack Horseman, c'est un acteur en déclin, alcoolique, drogué, dépressif, qui, ben, pour la saison 1, je suis pas rendue plus loin que ça, qui doit écrire son autobiographie. Et le fait particulier de cette série-là, c'est que certains personnages sont des humains, d'autres personnages sont des animaux, et tout ce monde-là cogite ensemble, quoique il n'y a pas beaucoup d'humains par rapport au nombre d'animaux. Franchement, Okay. il y a plus d'animaux que d'humains et c'est pas énoncé, c'est pas un problème. C'est dans cet univers-là, certains sont des chats, des hippopotames, des chevaux comme notre personnage principal. T'as des chiens. Puis le fait que soit un animal, tu tires quelques traits caractéristiques par rapport à cet animal-là. Puis ça, oui, c'est le fun, c'est drôle dans le sens où il y a un chien qui est comme fucking tout le temps heureux. Il n'y a jamais rien qui le dérange, tout Okay. le monde est fin, tout le monde est joyeux, il n'y a pas de mal, puis il n'y a pas de négativité dans le monde, puis tu sais. Alors que tu as le chat qui est. Puis les noms aussi, les noms se réfèrent beaucoup à leur identité. Le chat, c'est princesse quelque chose, son nom, comme ça serait, tu sais, comme princesse. On aurait pu nommer un chat princesse. Donc, les animaux ont quand même des traits d'attitude par rapport. À leur race d'animal. Mais c'est pas, comme je te dis, c'est c'est des bons clins d'œil, des bons gags, mais rien pour t'accrocher. Je trouve pas que l'histoire est si intéressante. Sans l'avoir vu ou quoi que ce soit, je pense que basé sur ce que tu viens de dire tantôt, tu as parlé de Family Guy, South Park, puis tu as mis le doigt un peu là-dessus, c'est des séries. À moins que ça a changé, mais tu sais, j'ai vu les premières saisons de ces affaires-là. Puis tu sais, c'est des séries que les personnages évoluent jamais. Tu sais, les personnages non. sont pas mal tout le temps en place. De temps en temps, il va y avoir une petite évolution, un changement de situation dans la vie de quelqu'un. Mais en général, un peu comme les Simpsons, les gens sont figés dans le temps. Tu sais, puis c'est un épisode. Bon. Chaque épisode est anecdotique un peu. Tu sais, c'est. Même souvent, quand ils vont essayer de faire un épisode qui va changer le cours des choses, dans deux, trois épisodes, ils vont te faire un épisode qui va revenir au statu quo. Là, c'est ça. Ouais. Fait que si c'est ce genre de série-là, c'est un peu normal que ça accroche pas. Après, t'écoutes qu'à cinq épisodes, ça évolue pas. T'es tout le temps dans l'anecdote, t'es tout le temps dans la petite joke. Ouais. De manière, tu fais, OK, je vais prendre un break de ça. T'sais. Ouais, ben, à moins que t'aies eu. À moins que ce soit vraiment, vraiment, vraiment fucking drôle. Oh, oui, oui. C'est assez rapide. Moi, j'avais essayé le premier épisode. Je me rappelle même pas l'avoir fini. Ben, moi, je me suis rendu plus loin que ça quand même. T'sais, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est pas passionnant. T'sais, ce que Jeff vient de dire, c'est exactement ça. T'sais, c'est parfait ce que Jeff a dit. Mais moi. On sait bien que Jeff dit des affaires parfaites. Mais moi, ce que je suis déstabilisée, c'est que les gens autour de moi en parlaient comme une série que t'es accro, t'sais, une série que tu dévores puis que tu décroches pas. Puis. Tu sais, j'ai un ami, puis cette série-là l'habite. Là. Je suis comme, mais comment ça peut t'habiter? Ouais, il y a un bon culte qui entoure cette série-là. Ouais. Mais tu sais, comme j'ai essayé Rick and Morty, puis j'ai pas été capable non plus. Là, fait que... Ça, c'en est une que j'ai pas encore essayé, que j'ai bien hâte d'essayer. Mais ça rock tout le temps. Ça m'écœure. Ah, oh, mais là, par exemple, j'ai hâte. Tu sais, quand t'es. Là, je suis vendu. Puis ça te rotte dans les oreilles tout le long. Ben non! Ah, ben là, je trouve ça drôle. Oh, God. Ben écoute, ben c'est bon. Mais c'est ça, tu vois, sur le chat, il n'y a pas grand monde qui a commencé à nous dire Vicky, hérétique ou quoi que ce soit. Fait que regarde, tu vois, le culte n'est pas parmi nos fans. La comparaison que je vais faire n'a pas vraiment rapport, mais quand j'étais jeune, au début de la vingtaine, comme je parlais tantôt, avec un de mes chums, on revenait des bars souvent, puis on écoutait, mettons qu'on revenait à 3h30, 4h, on revenait des bars, puis on écoutait des Beavis and Butthead. Mais tu sais, c'est pas le genre de série que t'écouterais. Genre plusieurs épisodes d'affilée. C'est comme t'écoutes ça quand t'es chaud, mais quand tu reviens d'un bar, tout, puis quand t'es à moitié endormi. Ouais. Là, puis, je sais pas comment est-ce que c'est BoJack, là, mais ma comparaison n'a sûrement aucun rapport, mais c'est ça. Il y a des séries de même que tu. Ça, t'écoutes pas nécessairement, t'enfiles pas les épisodes après l'autre. Là. Je viens de me faire traiter d'hérétique, là. Fait que stabiliser. Marc-Antoine Labonté qui dit BoJack est une des meilleures choses que j'ai vues à la télé dans les dernières années. Un épisode en particulier est une des choses qui m'a le plus marqué à vie. Il y a vraiment un culte autour de cette série que je suis un peu. C'est un autre Je capte pas. Je capte pas. C'est peut-être pas assez déprimé ou je suis peut-être trop déprimé. Je sais pas. C'est l'un ou l'autre. Écoute, je vais suivre avec tout ça, avec aussi de l'humour. Cette semaine, il y a TVA Film qui m'ont envoyé les coffrets humoristes de Simon Cloutier, Simon Leblanc, pardon. Dont j'ai mis la critique écrite sur le site, mais ils m'ont aussi envoyé le dernier show de Fabien Cloutier. Assume. Ah, j'ai pas vu ça là. Moi, j'avais vu ce show-là live, puis là, ben, là, j'ai reçu, fait que je l'ai réécouté. Puis Fabien Cloutier, pour ceux qui se demandent c'est qui ça, tu sais, on s'entend, là, on est loin des humoristes. Les plus connus au Québec, là, mais Fabien Cloutier, c'est un acteur vraiment prolifique côté série télé. Il avait joué, entre autres, le frère de Martin Matt dans la série Les Beaux Malaises. Puis il est un des collaborateurs de MC Gilles dans... comment ça s'appelle? C'est... Ah, t'as c'est la série de MC Gilles. Ça sonne comme Dolorama, là. Non, c'est pas Dolorama. De leur agile? C'est pas de leur agile. Non, c'est bien. En tout cas, c'est un affaire de même. Mais oui, Papa Agile. Merci. Mais il faisait le frère à Louis Morissette dans Plan B, puis il était Chris Maker là-dedans. Ouais, Fabien Cloutier est un acteur vraiment, écoute, on le voit partout, il n'est jamais comme celui de la super vedette. Puis c'est aussi un auteur, un acteur de théâtre et un metteur en scène aussi. Et puis ben aussi maintenant un humoriste, donc il se met en scène lui-même dans ses propres textes pour l'humour. Et c'est probablement la place que j'aime le moins Fabien Cloutier. Je suis un gros, gros fan de Fabien Cloutier dans Papa Agile, dans le show de Martin Matt. Chaque fois qu'on voit, moi et ma blonde, chaque fois qu'on voit Fabien Cloutier, on est comme « Hey, Fabien Cloutier! » Fait qu'on est allé voir son show, on s'était payé des billets, puis on était sorti du show avec un... Comment? On était pas sûr. Mais on était pas capable de mettre le doigt sur ce qui avait pas marché. Puis là, ben, cette semaine, quand j'ai reçu le DVD, j'ai fait « Bon, ben là, parfait, je vais l'écouter, je vais enfin savoir ce qui m'avait chicoté avec ce show-là. » Fabien Cloutier fait un show qui s'appelle « Assume », et c'est un show qui... il a le goût de fesser dans le tas, là, tu sais, puis de fesser dans la connerie humaine. Pas mal tout le monde va y passer... les bio, les troqueurs, le monde du lac Saint-Jean vont y passer, les parents d'enfants un peu freak. Le problème, c'est qu'ils dénoncent des clichés. Mm. Ah. Ils dénoncent des trucs que tu fais comme, « Man, ça, c'est de la vision de mon oncle pis de ma tante. Ah. » Tu sais, genre, il va dénoncer la madame bio, tu sais. Mais il va faire des gags sur le fait qu'elle se met de l'argile entre les deux jambes, puis tu sais, qu'elle graisse ses toasts avec ce qui reste de sa divacop, puis tout ça. Puis tu sais, t'es comme, non, man, c'est pas, tu sais, tu n'es pas en train de fesser, tu fesses pas sur le clou, t'es à côté, tu sais. Ouais. T'es en train de parler du sujet dont je voudrais que tu parles. Mais tout ce que tu dis, c'est pas vrai, tu sais. Tu sais, d'aller chialer contre le monde qui font les mises à jour de livret de banque là, à la caisse, là, tu sais. C'est quand la dernière fois vous êtes allé à la caisse, c'est quelqu'un qui faisait des mises à jour de livret de banque, là. Ouais, c'est ça. C'est jamais arrivé. Ça arrive pas de ça, tu sais. Fait que je suis comme, pourquoi est-ce qu'il chiale là-dessus, tu sais? Ça me fait penser, ça rejoint ce que tu dis tantôt, juste avant le podcast, j'ai vu quelqu'un partager un truc. Si t'es contre cette image, c'est la fleur rouge du 11 novembre, là, le coquelicot. Là. Si tu es contre cette image, ben retourne dans ton pays, Chris. Je suis comme, mais il y a personne qui est contre cette image-là. Pourquoi tu t'offices? Pourquoi tu partages ça? Mais de quoi tu parles? C'est ça que tu dis, tu sais, mais non, ça n'existe pas, ça. Tu sais, à un moment donné, Fabien Cloutier, dans son show, va dire une des régions les plus surévaluées du Québec, c'est le lac Saint-Jean. C'est le lac Saint-Jean. Bon, tu sais, moi, je me souviens dans le show, évidemment, tout le monde avait fait comme. Fait que là, tu te dis, hey, j'ai hâte de voir en Osto qu'est-ce qu'il va avoir à dire sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour dire qu'on est la région la plus surévaluée, tu sais, la plus overrated. Et finalement, il dit trois choses. C'est pas vrai qu'il y a 7 filles pour un gars, parce que là-dedans, wow, on inclut nos matantes puis nos grands-mères. Puis là, t'es comme, man, ça fait 15 ans qu'il n'y a plus personne qui dit ça. Non. On vient en ville, tu sais. Il dit, il y a trop de coiffeuses pour le nombre d'habitants. Puis les madames ont toutes des coiffures en pique avec des couleurs bizarres dans les cheveux. Oui, so what? Et on a un accent qui se peut pas. Puis là, tu fais comme... Puis là, après ça, il passe 10 minutes à faire des jokes sur l'accent. Ben, puis non. Là, t'es comme, mais man, on est-tu en 94? C'est quoi ce show-là? Fait que je suis comme, ben voyons. Tu sais, on aurait dit un gars qui avait pas ouvert sa TV puis son journal depuis 15 ans puis qui décide, moi, je sais comment que ça marche le monde puis je vais écrire un show, tu sais. J'étais comme, man, t'es pas up-to-date, là. T'es plus dedans, là. Fait que c'est plate parce que, tu sais, le gars a du talent, le gars, il a un delivery, puis il fait quelque chose de vraiment différent côté prestation, tu sais, côté interprétation. C'est du théâtre, son show d'humour, là, tu sais. C'est pas une joke, un punch, une joke, tu sais, là, des fois, il peut être 5 minutes quasiment sans faire de joke, mais c'est plus, il part dans sa tête, tout ça. Mais, c'est ça. Et, il va tout le temps mettre le petit truc que je fais comme « Ah, ta gueule, pourquoi t'as fait ça? » T'sais, c'était trop. Puis tu vois, Véronique a dit « Il est cute, votre accent. Hein, je m'ennuie de l'accent. » Bon, fait que, tu vois. Mais c'est ça. Fait que j'avais l'impression que j'avais été chercher un vieux show de Mario Jean ou de Jean-Michel Antil des années 80. Ouais. Mais faite par un gars qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Si vous aimez Fabien Cloutier, je sais que j'ai vu Cynthia sur le chat qui disait « J'aime beaucoup Fabien Cloutier. » Boude pas ton plaisir, Cynthia, écoute-le. Tu vas peut-être bien l'aimer. Mais c'est ça. Bon, juste que j'ai trouvé qu'il manquait son coup. Mais donc, c'est ça. Mais ça reste un... Ça reste à écouter pour ceux qui trippent, mais je pense qu'il est en demande, là, fait que vous allez sûrement le trouver à quelque part. C'est ça, ben, je pense que c'est le moment de prendre une belle petite pause. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Oui. De toute façon, on a perdu tout le monde sur Twitch. Ils se sont tous sauvés. Ils ont fait comme What, MacGyver? C'est ça. On regardait un gars jouer à des jeux vidéo, nous autres. Et là, d'habitude, en passant à la musique, je l'aurais dit d'avance. Mais là, JF, tu m'as levé un flag tantôt. Tu as parlé que dans Charm, tu avais redécouvert de la bonne vieille musique. Et là, je sais pas. J'ai goût que tu y ailles avec une toune de Jewel, puis peut-être celle-là même que t'as entendue dans Charm. T'es-tu un type c'est Down So Long. Ah ben, écoute, on va écouter... Redis-le, moi. Down So Long. Oh, ça va être beau. Fait qu'on se retrouve après pour la continuité du show. Tata! But I've been Alors, on est de retour après cette chanson de Joel. Hey, écoute, hein, ça, c'est, ça nous met dans le mood. Ouais. Là, on les a mis nos pantoufles, puis notre gros doudou, puis tu sais, là. Tu t'entends, vous soufflez. Bon, c'est ça, tu sais. Puis là, on l'a canté notre. Là, moi, j'imagine du monde qui font comme. Hey, non, non, non, j'en voulais un autre, là. Ta gueule, Sébastien. Vont-tu te passer l'album au complet? Mais non, on revient avec justement Madame Pantoufle qui a quelque chose à nous. T'en as d'autres à nous a jasé des films, là. Oui, en fait, lors du dernier podcast, je vous disais que j'allais explorer un petit peu plus l'univers du giallo. Donc là, j'ai ma revue ici, Mad Movie, je l'ai acheté à sa sortie en novembre 2010 et je ne l'avais pas lu encore. Mais ça fait longtemps que je me dis, un jour, je vais comprendre le giallo. Un jour, je vais m'y mettre, ça va être clair et limpide pour moi. En ouvrant la revue, c'est devenu clair et limpide. Donc, je vais faire un retour pour ceux qui ont peut-être pas écouté 31 jours d'horreur parce que ça les intéressait pas. Ce que je disais, en fait, c'est que moi, je pensais que le giallo, c'était un genre assez hermétique qui combinait musique et atmosphère où tout était dans le non-dit. Pas du tout, en fait. Je suis vraiment surprise. C'est pas ça du tout. C'est des whodunit. C'est des films à la Hitchcock. C'est des films à... qui est le tueur. Ouais. Et en lisant ça, j'ai dit, parfait, je vais voir les films de Dario Argento en ordre. Malheureusement, ils sont pas tous disponibles, mais ceux qui le sont, en plus, j'ai décidé ça comme au début du mois, puis là, Shutter vient de remettre plein de films d'Argento, fait que je suis comme, yay! Et celui dont je vais vous parler, c'est Profondo Rosso, qui s'appelle, en français, Le frisson de l'angoisse, Profondo Rosso... Bref, et celui-là, je l'avais écouté il y a des années avec un ami, puis c'est ça aussi qui m'avait fait peur du giallo, parce que j'avais vu Suspiria, que tout le monde sait ici, je ne tripe pas, et là, j'avais vu celui-là, puis j'ai fait, OK, ce genre, ce réalisateur-là, c'est pas pour moi, ce film-là, je le comprends pas, mais je voulais lui donner une deuxième chance, et je l'ai réécouté cette semaine. Première chose que j'ai faite, c'est écrire à mon ami, puis j'ai fait, j'ai enfin compris ce que tu voulais me dire sur Profondo Rosso, puis tu sais quoi, ben que c'est bon, finalement. Mais c'est le genre de film qui s'écoute bien seul. Tu sais, il y a des films qui s'écoutent en gang, il y a des films qui s'écoutent au cinéma. Celui-là, il s'écoute seul, que tu peux l'analyser, prendre le temps, des fois peut-être reculer le film. Et c'est vraiment une histoire, c'est exactement comme un des premiers films d'Argento que j'ai écouté également, c'est L'oiseau plumage de cristal. J'ai vu ce film-là, L'oiseau plumage de cristal, durant nos 31 jours d'horreur. C'était vraiment, c'est un whodunit, donc c'est vraiment une chasse à l'homme des plus banales, un Sherlock Holmes là, de qui a tué. Mais c'est dans l'oiseau plumage de cristal, c'est quelqu'un qui est témoin d'un meurtre et qui n'arrête pas de dire, il y a quelque chose qui m'a échappé dans ce que j'ai été témoin. Puis quand je vais comprendre c'est quoi, je vais pouvoir résoudre le crime. Fait que tu le suis, t'es avec lui tout le long, puis tu cherches toi aussi qu'est-ce qu'il a pas vu. Et il s'est révélé à la fin. Et quand j'ai revu Profondo Rosso, c'est exactement la même chose. Le gars, il est témoin d'un crime, et à la fin, il dit aux enquêteurs, il manque un tableau. Puis je suis convaincue que si on retrouve le tableau manquant, on va avoir la raison du crime. Et là, tu vas le suivre dans sa quête du tableau manquant, qui est quasiment plus importante de qui est le criminel. Et moi, je l'avais vu, comme je vous dis, une dizaine d'années avec mon ami, puis il me l'avait montré. Puis j'avais vu la fin, donc je savais c'était quoi l'histoire du tableau manquant. Donc quand je l'ai réécouté, j'ai vu le moment qu'on essaie de nous faire voir. Et le film a pris une nouvelle ambiance, une nouvelle profondeur pour moi, un nouveau regard. Et j'ai vraiment été scotchée sur ma chaise. J'ai compris que, oui, il y a l'effet de la musique, mais tu sais, mon ami, c'est un pro de la musique. Là. C'est une des personnes les plus mélomanes que je connaisse. Fait que, tu sais, lui, quand il voulait que je voie ce film-là, il disait « la musique », puis j'étais comme « mais qu'est-ce qu'elle a, la musique, je comprends pas ». Là, je le voyais avec moi-même, dans mon ambiance, dans ce que moi j'aime, et la musique ne venait pas me déranger, la musique était complémentaire, mais la musique, on apprend dans le film, elle fait partie du rituel du tueur aussi. Donc bref, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce film-là, il est sur Shudder, il vient d'arriver, je vous le conseille. Et moi, je vais continuer dans ma découverte d'Argento cette semaine, je vais aller avec Inferno et Ténébré, qui sont... Ténébré, je suis sûre qu'il est disponible sur Shudder, Inferno, je pense qu'il était sur à Cinépop, fait que je vais être capable d'aller les chercher les deux. Et Phenoma aussi, qui est pas mal tout le temps sur soit Tubi, soit Shudder. Fait qu'il y a deux autres possibilités avec ce film-là. Donc moi, je vais vous revenir dans les prochaines semaines dans ma quête du Argento. Mais pour vrai, là, Frisson de l'angoisse en français, si vous voulez aller le chercher peut-être à votre bibliothèque, quoi que ce soit, c'est vraiment excellent. C'est vraiment, vraiment excellent. Ça, c'est vraiment une histoire de crime où t'es embarqué et tu cherches qui est le meurtrier avec le témoin du crime. Et là, je vois un pattern. Tu sais, je vois un pattern qui m'intéresse de... Ben, peut-être que Suspiria aussi, si c'était pas de la musique que je trouvais agressante, je pourrais voir ça aussi. C'est on cherche qui est le criminel, tout simplement. Mmh. Cool, ben écoute, sur le chat, j'avais demandé aux gens votre giallo préféré, puis les suggestions se sont faites aller. Pascal Jacob qui dit Deep Red pour le giallo. Et voilà. Il dit Inferno est mon Argento préféré. Et mention spéciale à What Have You Done to Solange. Et Marc-Antoine Labonté aussi mentionne What Have You Done to Solange. Et il dit pour le giallo pur, c'est Ténébré, son préféré. Mais ici, bon. On sort d'Argento, Don't Torture Duckling, The House with the Laughing Window et Blood and Black Lace. Puis sinon, Pascal Cyr dit A Blade in the Dark et Véronique mentionne elle aussi Deep Red. Deep Red, c'est Profondo Rosso, là, pour ceux qui. Ouais. C'est le même, c'est celui que je viens d'écrire. Donc, effectivement, il est excellent. C'est à voir absolument. Mais regardez-le seul. Des fois, ça fait du bien. OK. Ben, merci, Vicky. Moi, je vais y aller avec un film moins léger que mon Christopher Robin puis mon mon Fabien Cloutier, mais quand même, je pensais vraiment que ça allait être pire que ça. Et c'est Black Klansman. Oh. C'est dur à prononcer et c'est dur à épeler surtout parce que, bon, ils ont fait un petit jeu de mots là-dedans. C'est le nouveau Spike Lee. Moi, je ne suis pas un connaisseur de Spike Lee et de sa filmographie. Pendant longtemps, je passe à côté, puis je serais vraiment curieux de checker, puis je pense, j'ose dire que c'était peut-être même mon premier Spike Lee. Tu sais, là, dans le sens Shameless, là, ouais, je pense vraiment que c'est... À moins que j'ai écouté un film un moment donné sans savoir que c'était Spike Lee, là, je pense clairement que c'était mon premier. Mais tu sais, je veux dire, on les connaît ces films là, Malcolm X, Do the Right Thing, puis Crash, entre Clash. Hein? Il y a pas un Crash ou un Clash? Je pense pas. Non. Je pense pas, non. À moins que, ben, écoutez, peut-être, je sais pas. Non, je pensais que c'était son IMDb, excuse-moi. Ouais, mais je me suis rendu compte qu'il était plus long que je pensais, fait que c'est un peu difficile à suivre. Okay. mais donc, c'est ça, Black Klansman, qui est basé sur un livre écrit par, je vais trouver le nom de l'auteur, excusez-moi, Ron Stallworth, qui est dans le fond le premier policier noir de Colorado du Colorado Springs qui est un district de police et ce policier là a réussi à infiltrer le Ku Klux Klan. Il est noir. Le film est vraiment vraiment excellent. C'est vraiment un des Je le dis tout de suite, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Ron Stallworth, qui est interprété ici par un acteur que... Ah ben, je vais le dire, je suis pas vraiment à l'aise avec sa filmographie, mais je pense pas que c'est qu'il est très, très connu pour l'instant. C'est John David Washington, et c'est le fils de Denzel Washington. Et tout le long, c'est drôle, parce que j'étais comme... J'ai jamais vu cet acteur-là de ma vie, mais je le regarde puis il me fait penser à des acteurs que j'ai déjà vus. Puis finalement, c'est qu'il y a un peu de mimique à son père. Petit Bruce Pike, il a travaillé avec son père sur Malcolm X. Oui, c'est ça, oui. Puis il jouait d'ailleurs John David Washington dans Malcolm X. Fait que je sais pas si j'en joue sa version jeune ou whatever. Puis ça met aussi en vedette Adam Driver, qu'on a vu entre autres dans, dans les nouveaux Star Wars, qui joue... Le méchant, écoute, j'ai oublié son nom. Ça va Kylo Ren. Kylo Ren. Puis il jouait dans la série Girls, que je suis le seul ici d'avoir vu. Girls. Mais Chris, oui, c'est vrai. Ben non, j'ai vu aussi. Vu, okay. J'ai écouté la première saison de Girls. Ouais. Ok, super. Puis, donc, c'est ça, dans le fond, c'est que l'histoire, c'est Ron Stallworth qui qui appelle au Ku Klux Klan pour dire, hey, je voudrais faire partie de la gang, puis ils font comme oui, puis il fait comme shit, mais je suis un black. Fait qu'il utilise son ami qui est un son ami policier qui est un agent double qui est joué par Adam Driver, et Adam Driver est comme sa version en personne quand il va voir le Ku Klux Klan, mais quand il leur parle au téléphone, c'est le policier black qui leur parle. C'est le pire plan au monde. Tu fais comme, ben voyons donc, deux personnes pour infiltrer sous le même nom. Tu dis, ça va chier dans le ventilo un moment donné. Et ben, le film mise beaucoup là-dessus, évidemment. Mais le film est une comédie aussi. Le film essaye pas juste de faire dans le drame. Le film assume le fait que des fois c'est vraiment idiot. C'est leur plan est idiot, mais aussi ça va se moquer un peu de la gang du Ku Klux Klan. Ils seront pas ils sont un peu cons, mais tu sais en même temps le film veut te les montrer dangereux. Tu sais, il joue un peu avec la dualité de checker comment c'est une gang de pecno-cons, mais c'est pas parce qu'ils sont pecno-cons qu'il faut les sous-estimer. J'ai oublié, mais il y a... C'est-tu Topher Grace qui jouait le rôle principal dans That 70 Show? C'est ça son nom? Oui, oui. Il joue David Duke, qui est le fondateur du Ku Klux Klan là-dedans. Puis là, tu fais comme, pourquoi Topher Grace? Il y ressemble comme deux gouttes d'eau. Quand tu regardes les photos, il y ressemble. Et il est écœur hein, dans ce film-là. Il dit des choses horribles, mais horribles, mais avec une straight face, puis avec, tu sais, je dirais à ma blonde, veux-tu tourner tes œufs au brouillé, puis lui, sur le même ton que lui, il va aller caler des meurtres de noirs, puis tout ça, puis t'es comme, tabarnache, ben, que c'est rough, tu sais. Je fais une petite aparté, mais moi, je trouve que ouais. Ça se voyait dans That 70 Show, mais... Spider-Man 3 exclu, là. Ce gars-là, c'est un fucking bon acteur qu'on voit pas assez, là, je trouve. Vraiment, vraiment. Tu sais, il s'est fait brûler un peu avec le Spider-Man 3, là, ouais. Où il a joué Venom, là. Ouais. Ça a été épouvantable. Mais il y a vraiment du talent, ce gars-là. Vraiment. Puis dans ce film-là, il prouve c'est solide. Et c'est ça, c'est un film qui est excessivement pertinent. Encore plus aujourd'hui. Et Spike Lee se cache pas qu'il lance des pics à Donald Trump. Mais vraiment pas. Le début du film est un long speech fait par un personnage hyper raciste, qui est un genre de gouverneur, je me souviens plus c'est quoi le nom du personnage, qui est joué par Alec Baldwin. Alec ouais. Baldwin, c'est quand même celui qui interprète Donald Trump dans toutes les gags de SNL. Puis... Puis tu le vois juste là, il fait un long speech raciste, puis tu le vois plus du film. Tu sais, fait que t'es comme, ben voyons donc, c'est tellement... Il a comme voulu faire parler Donald Trump, tu sais. Puis je vais pas trop vous dire où ce qu'il va avec ce film-là, puis c'est quoi les péripéties. Tout est très, très, très romancé. Ça reste que c'est un film, puis tu vois que il a été obligé de rajouter des éléments, beaucoup d'éléments, là. Tu sais, d'après moi, il y a quasiment 50% du film qui n'est pas vrai. Mais le film est bon, le film est vraiment divertissant, le film t'accroche, il te lâche pas, les personnages sont cool, il y a peut-être genre l'intrigue amoureuse là-dedans qui est vraiment très très faible, puis t'apprends finalement que ça a été rajouté, fait que, tu sens que l'intrigue amoureuse est vraiment là juste pour qu'il y ait certains dialogues entre le personnage principal puis son amoureuse. Que lui est un policier, mais elle, c'est plus une activiste qui fait partie des Black Panthers. Puis, tu sais, elle a dit, on va faire la différence en allant marcher dans les rues puis en manifestant, tandis que lui, il dit non, la vraie différence, on va la faire avec la police. Tu sais, c'est un peu ce dilemme-là. Puis le film se termine avec des images que je vous spoilerai pas, mais il est vraiment, à la fin, le film, il y avait un bat de baseball dans son dos. Tu le savais pas. Tout le long, le film t'a fait rire, t'a fait comme « Ah, c'est horrible, mais oh, c'est drôle. » Puis à la fin, le film fait comme « T'as un petit peu, mon gars! » Pow! Il te frappe dans la face, c'est comme « Ah, oh, tabarnak! » Chance, tu précises, je pensais que tu parlais du personnage principal qui avait une batte de baseball. Non, le film a décidé qu'il avait un batte de baseball pour te fesser dans la face. Ouais, ce film qui est Black Klansman, pour ceux qui viennent de nous joindre live, et encore tout le monde qui nous joigne live à cette heure-ci, Barclay Doody et Maxime Dufour, salut les gars. Mais c'est ça, c'est solide, c'est vraiment, vraiment, vraiment solide. Mais c'est peut-être qu'il y en a qui vont dire, moi, les films sur le racisme, je suis écœuré ou quoi que ce soit, puis ben écoutez pas ça parce que c'est vraiment le propos du film, là. Mais je pense que si vous vous dites ça, c'est très peut-être bon que vous écoutiez le film. Oui. Parce que, j'arrête tout de suite d'en parler parce que je suis en train de me lancer en spoiler territory, puis j'aime pas ça. Sur le Blu-ray, ceux qui auront la chance d'écouter le Blu-ray, il y a des petits documentaires, des petits making-of vraiment intéressant sur la méthode de travail un peu de Spike Lee, tout ça, les acteurs qui parlent. Topher Grace qui disait, avant de rentrer dans mes takes, il dit, Spike Lee allait me chuchoter à l'oreille la chose la plus raciste au monde. Puis il disait, OK, tu vas dire ça. Puis, tu sais, il lâchait des gros calls racistes pendant ses takes, puis le monde était comme, tabarnak. ça touche à Topher Grace, puis il dit, le monde le savent pas, mais là, il dit, je l'ai dit, là, c'est pas moi qui inventait ces phrases-là. C'est Spike Lee. Ah, t'as peu, c'était une vidéo YouTube, mais en tout cas, peu importe. Tout ça fait en sorte que le personnage de Topher Grace est vraiment, vraiment sa coche. Vraiment à ne pas bouder. Puis d'ailleurs, ben c'est ça, ça fait penser à mon concours que je vous parlais depuis le début. J'avais dit aux gens restez jusqu'à la fin. Et ben c'est ça, c'est que Christopher Robin puis Black Klansman, c'est deux films que j'ai eu des copies Blu-ray avec des codes de visionnement. Écrivez-moi dans le chat quel film des deux que vous aimeriez gagner. Et choisissez un des deux. Puis à la fin de l'épisode, je prendrai tous ceux qui ont écrit le titre d'un de ces films. Puis je ferai tirer le code parmi ces personnes-là. Mais s'il y a quelqu'un de wise, là, il vient de reculer 10 secondes, il a fait pause, puis il a vu le code. Non, j'avais les deux. Okay. J'étais comme ça. Le code est juste là. C'est blurry. Mais donc c'est ça, c'est plate pour ceux qui écoutent l'épisode en différé, hein, mais garde, c'est tant pis pour ça. Ouais. Il y a des gens qui nous suivent pendant 1h30, 2h pendant qu'on stream, fait qu'ils ont bien le droit de dire quelque chose. Vas-y. Mais Marc-Antoine Labonté qui dit une belle réflexion sur la force politique du cinéma également. Oui. Il dit Spike a retrouvé son inspiration avec ce film, une petite bombe et le film politique de l'année. Je pense que oui. Tu sais, admettons, quand on a eu Get Out, on était comme, ça, c'est aussi un film qui était très, très politisé. Mais tu sais, Get Out racontait une autre histoire, tu sais. Dans Black Klansman, Spike Lee, il va pas de gars blanc. Il se cache pas en arrière d'une histoire ou quoi que ce soit. Là, on parle d'une histoire vraie contre une histoire fictive, t'sais. Oui, tu sais, puis des fois, là, tu sais, il va, là, il joue beaucoup, je pense qu'il le fait 2-3 fois, là. Genre, il monte une réunion du Ku Klux Klan versus une réunion du groupe d'activistes noirs. Puis, tu sais, il fait tout le temps un back and forth entre les deux. Puis là, tu vois des trucs horribles d'un bord et des trucs très doux de l'autre bord. Tu sais, il use pas de subtilité, là. Il est vraiment comme les méchants, les gentils. Les méchants, les gentils. Les méchants, les gentils. Puis t'es comme, regarde, ça marche, là. Tu sais, tu sais que. Il n'est pas en train d'exagérer. Ce qu'il dit, c'est vrai, tu sais. Ouais, mais attends, j'ai une question quand même. Est-ce qu'il prêche à des convertis? Dans le sens où ces films-là sont bien beaux, bien intéressants, mais ça convainc pas. Je voulais te poser la même question tantôt. Est-ce que le gars dans un État du Sud aux États-Unis qui est raciste va être intéressé par ce film-là, tu sais? Non, je pense que ce film-là va s'adresser à ceux qui disent « Il n'y en a plus de racistes aujourd'hui. Okay. Le combat est fini. » Okay. Je pense qu'il s'adresse à ceux-là. À ceux-là qui sont intéressés par ça, mais qui disent « Mais on donc, là, regarde, les choses ont changé, c'est plus comme dans le temps. » Et si tu permets, j'ai eu une conférence sur ce sujet à Sherbrooke. Je ne sais plus de ce pourcentage-là, mais les gens considèrent que le racisme existe encore, mais plus de 37% des gens disent qu'ils n'ont jamais été témoins. Ce qu'il voulait dire, en fait, le conférencier, c'est que les gens savent qu'il y a du racisme, mais qu'ils sont pas capables de l'identifier. Fait que quand tu dis qu'il y en a plus, ben ces gens-là, c'est qu'ils vont, mettons que tu leur passes, ça c'est un questionnaire, fait est-ce que le racisme existe encore? Ben ouais, tu sais, mais est-ce qu'il existe dans ton coin? Oh non, non, non, non, pas chez nous. C'est ça, je veux dire. C'était ça que ça ressortait. Et plus de 50% des Canadiens, et si tu mixes deux statistiques, ça fait plus de 70% des Canadiens, considèrent qu'à l'emploi, un Canadien devrait passer avant une personne immigrante. Ouais, la démonstration de racisme. Puis c'est ça, mais c'est, la question aussi, c'est ces gens-là, ils vont-ils aller louer le film? Ils vont-ils assez faire l'effort de le voir? Ah, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, je veux dire, faut pas se leurrer non plus, là, des films très, très bien. Non, c'est ça, c'est que le film se présente pas comme un film activiste. Tu sais, si demain je te passe la bande-annonce, bah, en tout cas, peut-être j'ai certainement pas vu bande-annonce plus que oui. Mais l'idée que je m'en fais, c'est quand même un film assez. Ben, tu sais, c'est Spike Lee. Je connais Spike Lee, ouais. J'imagine que. Moi, je sais d'avance que c'est un film preachy, là, tu sais. Oui. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas Spike Lee et qui ne regarde pas les noms de réalisateurs, là, ils voient le film de. C'est assez attirant comme bande-annonce ou comme marketing autour du film? J'ai vu une bande-annonce qui était très, très poétique, là, mais peut-être qu'ils ont réussi à marketer le film comme quelque chose d'un peu plus. On parle pas des Avengers ici, on parle de Black Klansman. C'est comme. C'est assez attirant pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Ben, écoute, moi, à la première écoute, tu sais, quand j'ai commencé le film, ça commence comme une comédie d'action. Ça commence comme, mais je parle même à la base. Tout, tu l'as commencé le film, mais pour que quelqu'un se rende jusqu'au film, se rende jusqu'à aller louer le film. Ben, t'sais. La pochette te montre un policier noir, t'sais, ouais. Avec un titre peut-être un peu bizarre, mais t'as pas en tout cas, je sais pas. Là, j'ai pas vu ça tout de suite comme un gros dans ta face, ça va être un film politique. Là. Puis c'est bouche à l'oreille qui va marcher. Là, qui va faire marcher ce film-là, je pense. Marc-Antoine, c'est vrai, il dit c'est produit par Jordan Peele, le réalisateur de Get Out. Ouais, entre autres, c'est vrai. Fait que écoute, tout est dans tout. Puis Pascal Cyr qui dit que lui, ben, il veut gagner Black Klansman. Marc-Antoine a monté, il dit personne ne se considère raciste. On est en pleine montée de la droite et même eux ne se disent pas racistes. C'est un mot trop chargé, trop connoté négativement. Ouais, c'est ça. C'est ça pareil. Mais c'est ça. C'est con, je pense qu'on a tout fait à un moment donné dans notre vie des commentaires soit racistes, soit sexistes, ou peu importe. T'sais. Moi, c'est pas pour salir sa mémoire, mais mon père est décédé il y a 10 ans, puis mon père était raciste. Là. Il faisait plein de commentaires racistes, puis il était relativement jeune, puis il en faisait, là, puis j'en connais plein dans ma famille, partout, puis moi, je m'en cache pas. S'ils sont racistes, je vais le. En tout cas, c'est ça. Ça m'indigne, là, c'est, ça m'insulte quand j'entends ça. T'sais. Mais moi-même, quand j'étais jeune, j'ai dû en faire des. Ça nous arrive des fois, ma blonde, juste pour se faire rire nous autres, parce qu'on sait qu'on n'est pas raciste, mais faire des jokes en disant le mot commence par N, on va en faire des jokes, en imitant, mettons, quelqu'un qui serait raciste. Mais on va se faire des jokes demain, mais on n'est pas raciste. Je le fais aussi avec ma blonde. Là, puis à un moment donné, j'ai dit. Faut qu'on se calme, là, parce que faut pas que quelqu'un nous entende, puis il faut pas que les enfants décident d'imiter ça, là, tu sais. Ouais. Le meilleur ami à garderie d'Eliott, c'est un Africain, je veux pas rentrer des mots de même, là. On dit ça en imitant quelqu'un qui serait un gros jambon, là, tu sais, de raciste, là, Mais tout en sachant que c'est raciste. Mais c'est ça, c'est que. Moi, je te dirais qu'en étant de plus en plus en contact avec ce genre de conférences-là, c'est facile de dire « je suis pas raciste », je vais le dire ici « je suis pas raciste », mais on va tous avoir des réflexes, peu importe lesquels. On va tous avoir des réflexes, des questions, des préjugés. Moi, déjà, en partant, là, je le dis, je la fais bourrée de préjugés. Moi, je suis pas mal à l'aise à ça, je suis bourrée de préjugés, j'en ai plein. Tu passes dans la rue, j'ai 25 commentaires qui me passent dans la tête. C'est sûr. Elle pense que les Giallo, c'est des films avec la musique. Et voilà. Mon jello préféré, c'est le jello aux fraises. Je vais vous donner un exemple. Il est rough pareil, mais je vais le faire pareil. L'autre fois, je décharge du stock à capsule. Il y a plein de boîtes, plein d'affaires. Puis il y a trois gars qui attendent en avant d'un restaurant. J'ai les boys, venez donc m'aider à débarquer les chars de mon. Je les connais pas, les gars. Mais ils sont là, ils foutent rien. Puis moi, mon char, il est plein. Puis je n'ai pas rien que ça à faire dans ma journée, débarrasser le char. Fait que je disais, hey, les boys, prenez chacun une caisse, rentrez ça dans le restaurant qui est là. Vous me connaissez. Fait que là, les gars, ils ramassent les boys, là, Sophie, elle rentre, puis elle dit, c'est qui débarque les choses de ton char? J'ai failli dire, moi, n'importe qui, tant que ça peut être mon esclave, je vais être contente. Mais c'était des noirs. ça ne se dit pas. Non. Mais ça ne se dit pas parce que c'est raciste. Alors qu'une société qui n'aurait plus de racisme, si ça avait été des Blancs ou des Noirs, je pourrais le dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a encore une connotation. Et c'est là, je veux dire, par le fait que on a un fondement, et tant et aussi longtemps qu'on n'en sera pas débarrassé, tant et aussi longtemps... Moi, je m'assieds avec des gens là, qui me disent qu'il n'y a plus de racisme, puis plus de sexisme, puis plus de... parce que... Ça fait rire, ça. Mais c'est vrai, parce que eux, là, ils disent que les mots sont trop forts. C'est pas du sexisme. C'est un malentendu. Ouais. C'est comme ceux qui disent, il n'y a pas de culture du viol. J'aime pas le mot culture, tu sais, c'est comme... Ah oui, ils n'aiment pas le mot viol. Le viol est trop fort. C'est vrai, ça, ça en a un autre aussi. Mm. Ils n'aiment pas la culture. Mais voyons, oui, c'est comme encourager le viol. Ben non. C'est comme quand on dit qu'on est contre la société patriarcale. C'est ça, taille les hommes. Ben non! Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire par... Il y a du racisme, mais les gens disent ne pas être témoins parce qu'ils sont pas capables de faire la part des choses. Puis ils ont l'impression qu'être raciste, c'est traiter une personne noire du N-word, puis ça finit là. Ouais, c'est ça, c'est que, tu sais, il manque tout le spectre de subtilité entre les deux, là. Et voilà! Marc-Antoine Labonté, ben, c'est ça, il résume exactement ce que je disais. Il dit la qualité de Black Klansman est d'attirer les gens avec une histoire de policier undercover qui a l'air d'une comédie d'action et de faire énormément de parallèles inconfortables avec la situation actuelle. Tu sais, à un moment donné, il rentre dans une salle du Ku Klux Klan, là, puis il y en a un qui dit. Puis tu le vois pas, le personnage, c'est en background, là, puis il fait « We're gonna make America great again. » Tu sais, fait que là, tu fais comme « Ah ouais, c'est ça. Ouais. » Tu sais, c'est pas... Tu sais, à un moment donné, ils apprennent qu'un gars du Ku Klux Klan voudrait s'en aller en politique, tu sais. Puis là, le policier Black, il parle à son ami, puis fait comme « Voyons donc, qui c'est qui voudrait voter pour un raciste, là? » Tu sais, jamais je croirais qu'on va s'en aller jusqu'à en mettre un à la présidence. L'autre, il la regarde, fait « T'es bien naïf, toi. » Puis t'es comme « Ben voyons donc, là, tu sais, le film est clairement en train de te parler de la situation actuelle, tu sais, fait qu'il est tout le temps en train de te ramener à aujourd'hui. » Tu disais qu'il était présenté sur un jour ridicule un peu, mais ils étaient ridicules, ces gars-là. Ben oui. En même temps, menaçants, mais à cause du nombre, à cause de leurs actes et tout ça, mais ils étaient ridicules. On parle ça de ça. C'est de... du monde qui manque d'éducation. Mais ben oui, puis on parle de gens qui se voilent la face, mais ça en est, ça, littéralement, qui se voilent la face sur ce qu'ils sont, sur leurs convictions. Puis il y a une scène dans le film de Tarantino, dans Django, une de mes scènes préférées, c'est la scène du Ku Klux Klan. C'est que c'est drôle, mais ils sont vraiment présentés comme des gars ridicules. Mais ils étaient ridicules. Ouais, mais c'était du monde dangereux. Ben oui, c'est la loi du nombre, la loi du groupe, là, tu sais, qui fait que, ouais, ils sont... Puis ce qui est trippant dans Black Klansman, c'est qu'il nous présente des femmes qui sont fans du Ku Klux Klan. Souvent, dans les films, ça va souvent être des hommes, là, ouais. Tu sais. Puis même souvent, quand tu vas voir la femme la femme d'un de tes membres-là, elle va tout être comme un peu modérée, tu sais. Puis, ouais, docile, c'est ça. Elle s'appelle Coro Rice Krispies. Ouais, c'est ça, tu sais, elle va servir le café pendant la réunion, tu sais, mais elle, là, dans ce film-là, là, c'est genre, c'est comme, quand est-ce que je vais pouvoir être utile, tu sais, quand est-ce que je vais pouvoir en tuer un, tu sais, c'est comme, ok, wow, ok, les femmes, c'est pas juste des douces, c'est ça qui est le fun, ça me fait penser, il rentre dedans à coup de poing. Ça me fait penser à des situations, mettons, de l'abus sexuel, mettons, sur des jeunes. Ça prend tout le temps ce qu'on appelle en anglais un enabler, tu sais, quelqu'un qui permet ça, tu sais, qui dit rien, tu sais, quelqu'un qui dit rien. C'est le partenaire, souvent, la blonde, le chum, le mari, tu sais, il y a quelqu'un quelque part qui dit rien, qui voit ça, mais qui dit rien, tu sais. Puis c'est un peu ça, tu sais, j'imagine. Mais tu sais, là-dedans, c'est vraiment pas l'enabler, c'est vraiment genre, je pourrais-tu rentrer dans... Pourrais-tu faire des actes, moi aussi, là? Tu sais, puis ben évidemment, parce que c'est une femme, tu sais, il la considère comme une seconde classe, là, fait qu'en plus, ils sont vraiment misogynes, mais tu sais, elle est pas victime, là, tu fais comme la tabarnak. Mais fait que, écoute, non, c'est ça, mais tu sais, c'est ça, le film cache vraiment bien son jeu, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a du monde qui vont l'écouter, puis ils vont se faire prendre au piège. Mais en même temps, ils vont écouter un super bon film. Fait que, tu sais, c'est pas genre, oh, tabarnak, c'est une politique. Non, non, c'est un excellent film. Si t'enlèves le message, si tu prends juste ce qui est l'histoire du film, c'est vraiment une histoire de fun. Vraiment, j'ai accroché du début jusqu'à la fin. Puis le message politique par-dessus fait juste en sorte que tu dis, je suis vraiment en train d'écouter un Christy de bon film. Vraiment, ça coche. Tout est ça coche. Fait que, non, c'est ça. Ah, tu vois, Marc-Antoine Labonté qui dit « L'enabler égale sujet principal de Suspiria 2018. Hey, » tout est dans tout. Tout est oui. dans tout. Là, d'ailleurs, je vois pas grand monde continuer à écrire. Écrivez-moi clairement ce que vous voulez gagner sur le chat, là, parce que là, il y en a qui font des phrases, je sais pas s'ils veulent gagner ou quoi que ce soit. Écrivez-le clairement. « Je veux gagner ça. Christopher Robin ou Black Klansman. » Salut Danny, écoute, l'épisode est presque terminé, mais merci de te joindre à nous. Ben, je pense que ça terminerait notre épisode. Ce serait un bon, en plus, une belle petite discussion qu'on a fini là-dessus. Mais non, c'est ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film politisé s'assumer à ce point-là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis avec autant de qualité, sérieusement, chapeau. Tout est ça. Tout est. C'est une de mes grosses recommandations de l'année. À voir absolument. Sinon, ben, c'est comme bizarre, tu sais, j'ai comme l'impression qu'il faut qu'on parle de quelque chose parce que t'es tenté un tour d'horreur, fait tout à parler de la semaine qui s'en venait, tu sais. Non, mais c'est juste parce que, tu sais, moi, je te dis, Apostle est teinté de ça, mais je pense que, sincèrement, Trump a donné un grand coup et ce qui s'en vient et ce qui a été depuis son élection est énormément teinté de cette élection-là. Énormément! Ah oui. Tu sais, je dis, quand on va regarder, mettons, je prends un parallèle avec les zombies. On regarde souvent les zombies avec du recul en disant, ben là, on voulait parler du sida, là, on voulait parler. Puis c'est avec le recul qu'on a pu faire ces constats-là, tu sais. Ouais. Ben, je pense que, en 2025, ouais. on va regarder le 2015 à 2020, puis on va dire, les films qu'on a fait parlaient de Trump. Puis on va tout trouver les liens. Parce que, pour vrai, là, on les voit, on a le dé dedans, on voit les évidences, mais, qu'est-ce qui sait ce que l'avenir nous réserve et qu'est-ce qui sait comment ces films-là vont répondre à l'avenir. Oui, puis tu sais, on est en plein dedans, là. On est en plein dans le... qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire, tu sais, on trempe dans ce que Trump a semé là, quelques années, puis là, il affecte tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas affecté par lui dans le monde entier, quasiment. Là, ben, tout le monde. Le Brésil, tu sais. Oui, mais tu sais, ce qu'il vient de faire en France en fin de semaine, tu sais, de son attitude en France, c'est ridicule, c'est ridicule. Puis comme plusieurs experts le disent, même quand il va être parti, ça va prendre encore des années, peut-être des décennies avant qu'on se débarrasse, avant qu'on reconstruise ce qui a détruit ou ce qui a défait, tu sais. Oui. Et pas juste, je parle en termes de politique ou de loi ou peu importe, en termes de ce qu'il a implanté dans la tête de certaines personnes, de gens, ou de ce qu'il a permis. Ah oui. C'est un enabler, lui, du racisme, justement. Tu sais, c'était quelqu'un qui a permis à certaines personnes de sortir de leur tanière puis de dire « Moi, je suis un gros cave et je l'affirme à tout le monde. » Tu sais, David Duke avait été longtemps caché. Il s'était caché, puis il parlait plus publiquement celui qui est interprété par Topher Grace dans le film. Et à l'élection de Trump, David Duke a recommencé à faire des speeches publics parce qu'il a comme fait « Ok, c'est beau, hein, je suis correct, je me ressens, je sens que j'ai la permission maintenant de recommencer à parler de ça. » Si le gars qui est à la tête des États-Unis peut se permettre ça, tout le monde peut se permettre ça, tu sais, ces comportements-là. Il n'y a aucun respect pour quoi que ce soit, tu sais. OK, ceux qui se demandent, là, je vois le monde écrire sur le chat le titre du film, et là, j'ai du Black Ass Man. C'est oui, yes. Black Klansman. Genre, c'est la version porno. Ouais, dans Black Ass Man. C'est Black, un K dans le milieu, et Klansman, comme l'homme du clan, mais avec un K. Donc, ça nous fait un 3K dans le milieu. C'est vraiment bizarre, ça, je disais. Là, c'est vraiment Black Ass Man. Where the sun Black never shines. Fait que c'est vraiment Black Klansman. C'est vrai. Non, mais je veux dire, moi, je regardais le film, j'étais comme, je comprends pas le titre. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ce titre-là. Puis là, maintenant, tu catches que le K dans le milieu est trop, puis que c'est juste l'homme noir du clan. Ouais. c'est ça, ben, OK, là, c'est plus clair. Ceux qui participent, merci. Je vais prendre le film de Disney, moi d'abord. C'est bon. Il n'y a personne qui le veut, écoute. Ben, moi, le prendre, moi d'abord. Tu vas prendre la doudou. J'étais sûr que Véro allait répondre quelque chose là-dessus. C'est la version porno. Oui, c'est ça, Marc-Antoine. Cluc-cluc-cluc-cluc pour le Cluc-Cluc-Clan, évidemment. Ben, hey, évidemment, je vais faire tirer ça hors d'onde. On ne commencera pas à faire ça, à narguer ceux qui écoutent le show en différé. Mais merci tout le monde d'avoir été là en ligne. C'était vraiment trippant à Oui. soir. Puis on a encore vu des nouveaux visages. Ça fait longtemps que... C'est Dominique Martel, je pense que ça. Je me souviens pas l'avoir déjà vu. Sylvie Gaudreau, je crois qu'elle est nouvelle aussi. Et ben Jules Robichaud, un gars de ma job. Merci Jules d'être resté jusqu'à la fin. Je t'ai vu pas mal m'amener, c'est cool. Puis ben c'est ça. J'avais comme l'impression qu'il faut qu'on parle de ce qu'on va parler la semaine prochaine, mais non. C'est dans 2 semaines. Puis je suis en train de travailler sur. Moi puis Fred, cette semaine, on a failli écouter notre film pour le prochain épisode de Fond à regarder des films. Alors, c'est pas mort. La version J'ai des YouTube. entrevues. Ouais, la version YouTube. J'ai des entrevues de prévues avec certaines personnes. Donc, ça s'en vient. Ben, Jeff, toi, tu veux nous parler de MacGyver, Ouais. de T'as un parlé paquet de t'as de. parlé avec Maude Michaud il y a quelques semaines. Elle vient de starter quelque chose sur YouTube, là, tu sais, sa chaîne YouTube, elle start des vlogs et des trucs comme ça, fait que ça Ouais, intéresse le monde d'être sur YouTube, là. j'ai publié sur la page de Fond de regarder des films. Ah, Jules, il dit mon kid dort pas, je le berce. Évidemment, Jules, je pense qu'il y a un kid de 3 ou 4 semaines, là. Oh, Ouais, fait que ouais. je comprends exactement le feeling de OK, je scroll mon feed YouTube, Ouais, c'est Facebook, bon, ça. mais écoutons un podcast, ça va être ça. Moi, Véronique, je... Non, vas-y, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. a dit je suis rendu trop prévisible, il va falloir que je me réinvente. Avec l'histoire de Black Ass Man. Black Ass Man. Avez-vous Tiens. déjà... Êtes-vous du genre à avoir écrit vos journaux intimes dans votre vie? Pas ben, ben. Pas ben, ben, ça, tu l'as fait J'en un peu? avais un, j'ai peut-être écrit 6 jours là-dedans. Puis Genre... C'est parmi rough, ces c'est six rough de jours-là, j'ai continuer ça. écrit aujourd'hui, j'ai loafé l'école, j'ai fait semblant d'être malade. Puis ma mère, elle a ouvert mon journal intime, puis elle a su. Fait que Oh! j'ai compris. Fuck that! Si, je fais plus de journal Comme, intime, moi. nous, on nous propose souvent de faire ça, les entrepreneurs, pour prendre du recul, puis voir nos bons et nos mauvais coups, puis se dire, ben, le 1er décembre de l'an passé, voici ce que j'ai eu, le 1er décembre de cette année, voici ce que j'ai eu, tu sais, comprendre ça, mais je suis pas assez assidue. Ouais. Non, c'est rough. Moi, j'ai commencé à Pourquoi tu me écrire poses la un, question? pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à écrire un quand ma blonde était enceinte. Puis OK. pendant 8 mois, sur les 9 mois, j'ai écrit. Puis après ça, j'ai arrêté. Puis là, j'ai commencé la lecture il y a quelques... Moi, j'étais un gros, gros fan d'un groupe rock qui s'appelle Marillion. Puis le chanteur, en 92, a commencé son journal, puis a publié son journal de 92 à 2014. Ça, c'est le tome 2, 98 à 2014, mais il y a le tome 1 de 92 à 97, genre. Puis j'étais en train de lire ça depuis des semaines, puis... Ça m'a donné le goût de recommencer. T'sais, veux pas, j'étais en train de relire sa vie à lui, puis comme le format, t'sais, puis tout. Puis je pensais pas aimer ça, lire un journal intime. C'est la première fois que j'en ai vu d'autres être publiés, mais jamais ça m'a vraiment intéressé au point d'en lire un. Puis je suis comme, mais là, ça m'intéresse parce que j'adore ce gars-là, j'adore le groupe. Puis je suis comme, là, je lis sa vie en tournée, tout ça. Puis il rencontre plein de monde. T'sais, puis c'est le fun parce qu'il rencontre Neil Armstrong. Le fils de Neil Armstrong est un fan du groupe. Il rencontre Rufus Wainwright à un moment donné. Puis Rufus Wainwright, il texte après un show, il dit. Je suis jaloux de ton range vocal, tu sais. En tout cas, puis ça m'a donné le goût récemment de recommencer mon journal intime, puis je suis comme, mais c'est vraiment rough de juste pour en parler de même, pour aucune raison, mais juste de dire, tu sais, ça, c'est rough à garder comme rythme, mais Ouais, mais la je suis sûr que constance ça va être dans le ça, fun de ouais. relire un jour, là, mais c'est ça, c'est pas évident de, c'est ça. Le pire, c'est que tu vois, la semaine passée, j'ai fait un ménage dans des vieilles photos, j'ai retrouvé mes vieux, mes albums de finissant, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai relu ça, puis tu sais, il y a énormément de plaisir à relire tout Ouais, ça. c'est Puis à ça. toutes les fois, je me dis, voyons donc, tu sais, c'est tellement plaisant, il faudrait que j'écrive de quoi là pour que dans 20 ans, je le trouve ou qu'Eliott le trouve, tu sais. Exactement. Mais Parce que je j'ai n'ai des pas dans ce vieux genre d'affaires-là. agendas du cégep aussi dans lesquels j'écrivais des affaires personnelles des fois, puis je suis comme, genre, je relis ça, puis je suis comme, c'est le fun. Fait que c'est sûr que je vais avoir du fun à lire ça, un journal intime ou peu importe, tu sais, mais c'est rough à garder comme rythme, Je faisais beaucoup de trucs dans mes agendas d'école. là. J'écrivais genre les tunes que j'avais en tête, tout ça. Ah ben juste genre un 2 lignes d'une tune. Puis souvent c'était comme mon état d'âme. Puis ça, je les ai gardés. Ça, Des fois, c'est c'est fun à marqué, moi, dans checker. mon cas, c'est marqué, je suis allé dans un party à telle place, comme, je m'en rappelle pas en tout, mais Ah ouais, c'est drôle c'est drôle. d'écrire ça, tu sais, de lire ça. Tu vois? Cynthia sur le chat a dit, jeune ado, oui, j'avais ça, un journal intime, mais en version dessin, wow. BD, manga. Ah, c'est hot. Ça, c'est hot en salle. Ben, mais j'aime ça bon, que, tu sais, lire de quoi, puis ça me force à être créatif. Là. Ça m'amène à être créatif. Pas que ça me force, ouais. Ça m'incite à vouloir être créatif. Fait que c'est ce que, vrai, probablement ça. Ce que je vais faire après l'épisode, tantôt, écrire ce qui s'est passé en fin de semaine. T'sais. Allez, je veux que tu changes mon nom. Si jamais t'as plus moi, je veux que tu changes mon nom. Je m'appelle Bob. Puis là, dans 30 ans, tu vas faire comme Cali, c'était qui, Bob? Bon, ben, hey, gang! Ouais. Et sur ce, Vicky? Ouais. Bye-bye. Bye. Jeff? Bye-bye. Au revoir. Tout le monde sur le chat, bye-bye. Merci d'avoir été là. Et ceux qui nous écoutent, allez nous liker, allez faire tout ce que vous voulez pour nous manifester votre amour. Et n'oubliez surtout pas de garder ça le fun. Ciao, ciao! C'est très drôle. Je viens de tomber sur Twitch. Je sais pas si ça fait longtemps que c'est là. Badrial qui dit salut. Tu peux chanter du Phil Collins, s'il te plaît. Pourquoi? Pourquoi ça? Que... Je sais pas, un gars sur Twitch. Ah, si... Non, mais qui veut, Twitch, qui veut. Qui c'est... Il oh, veut? Il veut que qui chante? Je sais pas. Nous trois en même temps, je pense. Oh, God. I can feel it calling in the air tonight. C'est ça. Ah. Enfin, écoute, j'ai eu une répétition de tune toute l'après-midi. Là, j'étais pour la job, notre show de Noël, On loue le côté-côte. Toi, Jeff, tu connais oui. la salle à Chicoutimi, à Jonquière plutôt, qui est une salle de spectacle vraiment chill, c'est lounge un peu. Puis on loue ça, on fait venir un traiteur, mais on monte un show. Wow. Tout le monde qui sont musiciens, chanteurs, à job, après-midi, on a eu une répète, puis on se monte un show d'une heure. Là. Fait que c'est ça, puis je chante dans 6 tunes. Fait qu'après-midi, j'ai eu de la répétition de tunes, mais tu sais, c'est que tu pars dans à peu près toutes les... Ah, mais il dit, hey, merci, t'es le seul sur 40 streamers qui a essayé. Ben écoute, Belle, ça fait plaisir. Ah, fait qu'il essaye sur plusieurs streams. Ah, ça, c'est très drôle, j'adore ça, écoute. C'est très hot. C'est drôle. Et merci pour le follow, Badrial. J'espère qu'on s'en verra. Tu nous shooteras des demandes spéciales comme ça.